3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Voilà, c'est nous. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. La saison est terminée, mais pas la saison de tout le monde. La saison des Avenix Week, Avenix Summer maintenant, fait commencer. Épisode 92 sur KNF TV, toujours fidèlement accompagné de Seb. Ça va, Seb? Ben ça va. Il n'y a plus de stress. On a digéré. Oh là non, il n'y a plus de stress. On dort mieux, normalement. Alors j'ai un peu la voix cassée. C'est Tom Thibodeau qui est derrière tout ça, bien entendu. Vous en doutez, tous les maux et les problèmes de santé d'Enix, voire d'autres franchises, voire de toute la ligue, c'est la faute de Tom Thibodeau. Des débats qui n'en finissent plus, mais bon, on va pas s'étendre sur le sujet. J'ai la voix un peu cassée, j'espère que ça s'entendra pas trop et que je vais pas m'étouffer, que je vais pas décéder en courant de vidéo. Sinon, Seb, tu finiras tout seul sans moi. Hein. Bon, comme vous le savez, à chaque fois, il y a toujours beaucoup de choses à se dire sur cette émission. C'est pas parce que les Knicks sont en vacances, certains sont peut-être déjà dans le train, parce que oui, on y va en train à Cancun. Nous, on a encore un petit peu de boulot, les vacances sont pas encore là, on va débriefer ensemble les derniers éléments d'actualité, et puis on va surtout revenir sur les éléments forts des Knicks cette saison. On va faire notre petite review, notre petit moment d'évaluation. On a ressorti nos belles ardoises pour donner des petites notes. On va être la sanction des Knicks et des Knickerbockers pour la saison passée. La saison est terminée, c'est le temps de distribuer les bulletins de notes. Est-ce qu'il y aura des mentions? Est-ce qu'il y aura des redoublements? Est-ce qu'il y aura des encouragements? Des félicitations du jury? Tout ça, on va le savoir dans l'épisode 92. On perd pas de temps, on envoie le petit jingle et on est y part. Allez, c'est parti. Alors on vous l'a dit, la saison est terminée, les playoffs se sont pas terminés comme on aurait espéré, on aurait bien aimé pousser ça un petit peu plus loin, mais c'est pas grave, on a eu de super moments, on a bien vibré avec les Knickerbockers cette saison, ils nous ont régalé en saison régulière, ils nous ont régalé aussi en playoffs, et c'est pour ça que sur la chaîne KNF TV, vous retrouverez les meilleurs moments, tous les meilleurs moments, il y en a eu quand même. Des moments de joie, des moments de surprise, des moments de remontada, de comeback, vous appelez ça comme vous voulez. Malheureusement, pas de happy end, mais tout ça est compilé, résumé dans une belle petite mixtape par KNF, par KNF TV. Donc la version playoff édition est disponible, elle est sortie la semaine dernière, vous n'avez plus qu'à la consommer sans modération, c'est gratuit, profitez-en. Et puis si vous voulez vous replonger, pourquoi pas, dans la saison régulière, il y a la version longue sur la saison régulière. Donc voilà, une saison qui restera dans les bons souvenirs, une belle saison, donc c'était quand même l'occasion de compiler ces petits moments et ces victoires en playoff. On verra pour faire une version encore plus longue la saison prochaine. Et puis pourquoi pas aller chercher un titre, hein, je sais pas. Bon, en tout cas, deux titres, on ne connaît pas encore le champion NBA, mais on a les awards qui sont tombés et notamment les votes pour les All-NBA Team. On en a parlé pendant un petit moment. On savait que Jalen Brunson avait terminé 5e du vote pour le meilleur joueur de la saison, le MVP. Et donc, on pouvait s'attendre à ce que Jalen Brunson intègre le meilleur 5 parce que cette saison, petite nouveauté de la NBA, il n'y a plus de notion de poste. Hein. On peut avoir 5 pivots, 5 meneurs, 5 arrières, comme vous voulez. Les postes, ça n'existe plus en NBA, en tout cas plus au niveau des votes pour les récompenses. Et donc, voilà, top 5 au MVP, on pouvait s'attendre à avoir un top 5, un All-NBA First Team pour Jalen Brunson. Ça fait un moment que c'est pas arrivé, un All-NBA Team. Je ne sais pas si Carmelo Anthony avait été All-NBA Team l'année où il termine 3e du vote de MVP. Pas sûr. Mais voilà, en tout cas, parce qu'à l'époque, il y avait la notion de poste, et puis poste délié, un certain LeBron James faisait un peu la razzia sur ses awards et ses distinctions. Bref, All-NBA Second Team. C'est quoi ta question? Est-ce que Carmelo Anthony était All-NBA First Team en 2013? Je crois pas. Hein. Il est 3e du vote de MVP. Un peu mieux que Jalen Brunson. Hein, il est NBA Second Team. De voilà, Second Team. Mais comme je le disais, à l'époque, il y avait la notion de poste. Donc voilà, derrière un LeBron, compliqué d'aller chercher la place de LeBron. Déjà qu'il ne l'avait pas chopé sur l'année rookie. Ça n'allait pas être à ce moment-là qu'il allait lui prendre la place. La première équipe, c'est LeBron, Kevin Durant, Chris Paul, Kobe et Tim Duncan. Et la deuxième équipe, c'est Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Marc Gasol, Tony Parker et Blake Griffin. Et pour compléter le tableau, la troisième, c'est James Harden, Dwight Howard, Dwayne Wade, David Lee et Paul George. Hey, quelques joueurs qui jouent encore. Beaucoup ont pris leur retraite, beaucoup ne sont plus à ce niveau-là de prime, mais en tout cas, quelques noms qui jouent encore. Bah ouais, il y a 5 joueurs qui jouent encore. Dont l'inoxydable LeBron James, mais ça, c'est toute notre histoire. Bref, ce qu'on va revenir à ce qui nous intéresse. Enfin, ça ne rappelle pas tout ça. Ouais, ouais. Il avait 28 ans à l'époque, LeBron. Il y a 11 ans. Il y a 11 ans de ça. Et oui. Et Paul George, 22 ans. Le jeune Paul George, Polo. Voilà, des gens qui risquent encore de prendre un petit peu d'argent cet été, mais ça, c'est encore notre histoire. Donc voilà, 2024, on aura un All-NBA Second Team. Même niveau d'accomplissement que Melo, en l'occurrence, même s'il ne termine que 5e au vote de MVP. Petite surprise, pas surprise, est-ce que c'est pas un peu bizarre finalement cette histoire de vote? Il y a deux votes. Il y a un vote pour le MVP, voilà, qui va lister finalement les meilleurs joueurs de la ligue, peu importe finalement les résultats collectifs, même si ça pèse un petit peu ou pas dans la balance au moment de l'appréciation par les journalistes et autres. Et puis il y a un vote pour les All-NBA Team, et là on se retrouve à avoir du coup un Jason Tatum qui était 6e au vote de MVP, derrière Jalen Brunson, qui bah, prend lui cette place dans la All-NBA First Team, pas complètement volé, puisque, on le rappelle, les Celtics ont roulé sur la conférence et sur la ligue, donc c'était un peu aussi juste récompense de voir au moins un Celtics dans le meilleur 5, mais voilà, ça fait un peu curieux de se dire, bon, le top 5, c'est pas tout à fait le même top 5, bon, c'est un peu bizarre, ça n'empêche que on félicite, et c'est une belle récompense pour Jalen Brunson, first ou second team, finalement, peu importe, pour lui, la saison n'est pas une réussite parce que le parcours en playoff s'est terminé trop tôt, mais voilà, avec le recul, je pense qu'il pourra considérer que cette saison était une belle saison, qu'il y a eu de beaux accomplissements, et cet award All-NBA Second, pardon, oh, lapsus, en est la juste récompense. Pas déçu pour toi, Seb? On s'était interrogé à un moment donné de savoir si on le voyait en first ou second. Est-ce qu'il était top 5 ou top 10 de la ligue? Il est top 6. Non, dans la deuxième équipe, ça ne m'étonne pas. C'était ce que je pensais que vous y seriez. Donc, non, la première équipe me semble normale. La deuxième équipe aussi. Après, derrière, c'est pas tant ça, moi, qui m'interroge. C'est comment est-ce que, par exemple, Boston peut avoir qu'un seul mec alors qu'ils ont dominé toute la ligue? Comment les Lakers peuvent avoir deux mecs alors qu'ils sont, ils finissent 8e? Comment Phoenix peut avoir deux mecs alors qu'ils sont... ils passent, ils sont quoi? Non, c'est eux qui sont. Oui, ils sont 7e, c'est comme ça. Est-ce que t'as des Clippers devant eux? Enfin, bref. Ils tombent contre Minnesota au premier tour, mais oui, voilà, ils font pas une. Après, Stephen Curry, qui n'est même pas qualifié, enfin, finissent 10e. Il finit 10e, il est au NBA. Bon. Moi, je pense que, voilà, il y a quand même beaucoup de. C'est encore important le nom que tu portes derrière. Alors cette saison, il faut le rappeler aussi... Ça donne plus de chance. Comment ? Cette saison, il faut le rappeler, il y avait aussi le minima. Les joueurs devaient faire au minima 65 matchs de saison régulière, donc on n'a pas de Joel Embiid blessé. Donovan Mitchell ne fait pas non plus partie de cette coupe-là. Certains vont dire qu'effectivement, il manque des noms. On pense à Adebayo, on pense à qui ? Paul George. Il y a Kawhi. Kawhi, là où justement, c'est minima... Est-ce que Kawhi Leonard est plus d'être All-NBA que Paul George ? Je sais pas. Effectivement, il y a un peu un vote à double facette. Le côté oui, ouais, bonne saison, mais le nom qui compte aussi. Voilà, il y a un peu de méritocratie et un peu de. Stéphane Curry, ça m'embêterait que tu sois pas dans une All-NBA team comme LeBron. Donc, pour. Continuer à pérenniser la legacy, on t'y met. Je dis pas que ils sont, je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Loin de là, c'est des joueurs extraordinaires, c'est des joueurs fantastiques. C'est pas du tout là le sens de mon propos. Je dis juste qu'à un moment donné, quand t'es 10e au classement de la conférence Ouest, est-ce que clairement, ça te donne plus de légitimité, par exemple, qu'un Zion Williamson, qu'un Paolo Banchero, qu'un Paolo Banchero à l'Est. Ouais. Voilà. Donc on peut s'interroger effectivement sur certains résultats de vote. Ouais. Quoi qu'un Jalen Brown il soit pas, Enfin, je veux dire, t'as quand même Boston qui a écrasé la ligue, quoi. Et ils ont un représentant, et les Lakers en ont deux, et... Enfin, bon, bref. C'est surtout ça, en fait. Bon. Après, derrière, moi, les deux premières équipes ne m'étonnent pas. Jalen Brunson, sa place, ne m'étonne pas. Voilà, c'est juste par rapport à certains blazes sur lesquels je m'interroge un peu. On aurait pu, effectivement, voir un peu moins certains noms. Bon. Passons, la NBA en tout cas a toujours ses systèmes de vote un peu particuliers. Tyrese Maxey, enfin, quand tu regardes les mecs qui sont hors classement, Jalen Brown, dans l'ordre, hein, Jalen Brown, Tyrese Maxey, Paul George, Rudy Gobert, Wembanyama, Williamson, Banquero, Fox, Adebayo, DeRozan. Pareil pour Victor. Victor a été sensationnel. Il a fait une saison rookie. On s'interrogeait beaucoup sur la façon dont il allait s'acclimater au jeu NBA, son physique notamment, tout ça. Il a montré que finalement, pas de problème. Meilleur contreur de la ligue. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu plus de victoires entre l'année dernière et cette année pour San Antonio. Il n'y a pas eu une trajectoire qui a changé. Ceci dit, tu sens que le mec, c'est lui le patron et qu'il y a une équipe quand il est là et une équipe quand il n'est pas là. Cependant, est-ce qu'il mérite plus de points que Paolo Banquero ou que Williamson? Au vu du résultat d'équipe, je parle. Et il a aussi en fait de l'influence qu'a le joueur sur le résultat d'équipe. Comme je dis, je dis pas que les mecs sont pas bons, loin de là. Tous les gens dans la liste sont des joueurs exceptionnels. C'est juste qu'à un moment donné. Dans la hiérarchie, effectivement, les résultats collectifs, est-ce qu'ils comptent, est-ce qu'ils comptent pas? À quel poids on leur met? Visiblement, c'est pas le même poids pour tout le monde. Dans ces résultats de vote, est-ce qu'il y a des votes qui se font aussi un peu par la hype, la fame, le côté ouais, voilà. Buzz? Possible, ah oui. Possiblement, le côté nouveauté aussi, le côté des joueurs plus spectaculaires que d'autres. Bon, en tout cas, voilà, c'est la façon dont la NBA aura défini ses top 15. Au bout, est-ce qu'on aurait eu deux représentants? Je pense pas. Ça aurait été compliqué. Mais bon, deux représentants aux Suns. Bon. Oui, voilà. Allez, et aux Lakers. Ouais. Bon, allez, parlons de choses un peu moins réjouissantes, mais il faut qu'on en parle quand même. On avait quitté Jalen Brunson qui s'était fait mal à la main, une fracture à la main. Bon, bah voilà, on a eu quelques nouvelles. Également concernant Bojan Bogdanovic, qui lui s'était blessé un peu plus tôt lors du premier tour face aux Philadelphia Sixers. Les deux sont passés sur voir les docteurs, les chirurgiens. Les opérations sont faites. Tout s'est bien passé. Bon, bah rendez-vous dans quelques semaines pour réévaluer tout ça. L'été va arriver à point nommé pour Jalen Brunson pour se reposer. Là où on pouvait à un moment donné, pourquoi pas espérer choper une place dans Team USA s'il y avait des défections en cas de blessure. Je pense que là maintenant, il n'est plus question de ça. Il n'avait pas été retenu par Grant Hill. Il a préféré prendre des Tyrese Haliburton. Tiens. Peut-être un peu blessé lui aussi. Des Joel Embiid et compagnie. Mais voilà, Jalen Brunson, rééducation, repos, ça sera tout ça très mérité. Après voilà, une très grosse saison, et on l'attendra encore. Il a eu une grosse saison, d'autant qu'il avait fait partie de Team USA, l'équipe qui a fini que quatrième l'année dernière au championnat du monde. Donc quand on y réfléchit, on dit oui, Tom Thibodeau fatigue ses joueurs, et les campagnes estivales, ça peut aussi ajouter un peu de fatigue à tout ça. Donc voilà, ça fera pas de mal d'avoir un petit break cet été. Un autre joueur qu'on avait retrouvé dans Team USA l'été dernier, non, c'est pas Kendrick Perkins, lui qui vote beaucoup pour les Knicks, tant mieux. Non, c'est Josh Hart. Josh Hart qui est le seul représentant des Knickerbockers à figurer dans les résultats des votes pour le DPOY, le Defensive Player of the Year. Vous le savez, c'est Rudy Gobert qui a récupéré ce titre. Hein. Victor n'était pas très loin. Et le numéro 3, je ne sais plus qui était. Peut-être Anthony Davis? Non, je ne sais plus. Bref. Mais peu importe. Voilà, c'est donc Josh Hart qui a réussi à avoir quelques voix, qui s'est grappillé quelques faveurs de certains journalistes. Tant mieux. Entre autres, notre ami Kendrick Perkins. Non, il n'a pas du tout voté pour Josh Hart. Il a voté pour JB, à tout un tas de vote en la faveur de Jalen Brunson. Mais voilà, Josh Hart, meilleur défenseur des Knicks. Et si OG Anunoby avait eu une saison un petit peu plus complète, moins de blessures avec New York, peut-être que ça aurait été lui qui aurait eu ses faveurs de meilleur défenseur. Peut-être que Mitchell Robinson, s'il n'y avait pas eu de blessure non plus, aurait eu quelque chose à truster en fin de saison, avec, on le rappelle, une très bonne consommation, un très bon rendement, très prolifique, notre ami Mitchell Robinson au rebond. Il était meilleur rebondeur et rebondeur offensif pendant un bon moment de la NBA. Malheureusement, les blessures sont venues couper tout ça en plein élan. Mais voilà, c'est Josh Hart qui finit finalement le DPOY de l'équipe. Bon, mérité quand on voit en plus le rendement qu'il a produit en playoff, avec des moissons de rebond, en veux-tu, en voilà. Là, on parle bien sûr de la saison régulière, mais on a un joueur dont le profil défensif assez polyvalent est plutôt salué et reconnu dans la ligue. De là à truster un DPOY, ça va être compliqué. On le sait, pour les joueurs extérieurs, c'est une toute autre tâche que les joueurs intérieurs. On n'a pas les contres, on n'a pas les moissons rebonds aussi régulières. Là, tu regardes sur le dernier classement. Donc, Rudy premier, deuxième, Victor Wembanyama. Troisième, Bam Adebayo. Ah, bam, bam. Quatrième, Anthony Davis. Et Herb Jones, c'est plus un ailier. Ouais. À la limite, et ensuite, Taj Holiday. Donc, un véritable joueur à des lignes d'arrière avec Shalgi-Gyus et Derrick White. Donc, et puis il y a un gap de fou quoi, entre, au niveau des votes. Voilà. Mais c'est devenu un trophée qui est presque devenu sauvegardé pour les intérieurs. Quoi. Ouais. C'est Jacques Monclar qui évoque ça assez régulièrement, où il aimerait lui voir un DPOY joueur intérieur, un DPOY joueur extérieur, parce qu'on n'est pas sur le même profil de défense. On ne défend pas de la même façon quand on défend au large ou quand on défend dans la peinture. L'appréciation de la défense, elle est quand même bien distincte. Autant on a fait abolition de tout un tas d'éléments par rapport au poste, le All-NBA Team, en gros. Mais voilà, là-dessus, c'est quand même pas une appréciation qui se mesure de la même façon. Il est beaucoup plus compliqué d'aller évaluer la défense d'un joueur du back-court. Alors oui, il y aura des interceptions. Mais est-ce que c'est que ça par rapport à un joueur du front court qui va lui prendre sa dizaine de rebonds facilement parce qu'il a tout simplement plus de centimètres dans la raquette et puis c'est sa place et aussi des contres parce que forcément c'est les derniers remparts. Mais on a aussi des joueurs qui sont relativement forts sur les lignes arrière. Le dernier DPOY des lignes arrière, c'est Marcus Smart. Et il fallait remonter à relativement loin. Je ne sais pas si c'est pas Gary Payton son avant lui. Et Michael Jordan quelques années auparavant. Bref, mais voilà, c'est quand même un trophée, comme tu le dis, qui est réservé principalement aux grands, aux intérieurs. Et c'est un petit peu dommage là-dessus. Il serait bon que la NBA essaye de revoir un petit peu son jugement. C'est vrai que quand tu regardes, après Marcus Smart, le premier ailier qui arrive, c'est Ron Artest en 2003-2004, donc en ailier. Ouais. Donc voilà, hors 4-5. Hors poste 4-5, et ensuite tu as Gary Payton en 95-96. Ah, okay. Ouais. Donc, non, c'est. Mais parce qu'en fait. Ah non, tu joues. Non, t'as eu Kawhi Leonard aussi. Pardon. 2015-2016 et 2014-2015, il a fait un back-to-back en ailier. Mais après, le problème, c'est que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'arriver à quantifier finalement l'importance de. D'un joueur défensif, donc c'est regardé par le prisme du rebond et du contre. Je pense qu'il faudrait plus se pencher sur, mais ça demanderait tellement en fait d'analyse sur, quand par exemple un fort attaquant, on va partir du principe là, les playoffs battent leur plein, un joueur qui a particulièrement l'écran, il s'agit de Luka Doncic. Il faudrait voir en fait lorsque tu vois en fait un comment il est défendu et quels sont ses pourcentages de réussite au tir entre par exemple un Lou Dort, il n'a pas joué cette année, mais par exemple un Marcus Smart, un Jared Jackson Jr. parce que l'année dernière il l'a eu, un Rudy Gobert et ainsi de suite, et voir en fait quel impact a ce joueur vis-à-vis d'un fort attaquant, parce que on sait qu'un attaquant, un fort attaquant, tu pourras pas l'arrêter, mais en fait tu vas essayer de faire des pourcentages. Ouais. C'est surtout ça en fait. Donc ça serait plutôt ça serait là le finalement la jauge. Le curseur, le degré d'appréciation. Aujourd'hui, au regard de toutes ces stats votes qu'on énumère par rapport aux awards de fin de saison, on peut aussi se poser la question de la façon dont ces différents journalistes vont désigner, vont accorder leur voix. Est-ce qu'on se base aussi sur la stat, tout simplement ? Tel joueur va produire tel niveau de stat. Et bien sûr, ces stats défensives, ces secteurs défensifs sont plus regardés pour les joueurs de la raquette, les joueurs intérieurs. Bon, à voir si la NBA évolue dans ce sens dans les prochaines années. Il y a beaucoup d'impressions visuelles. C'est très subjectif. Il y a beaucoup d'impressions, t'as l'impression que le mec en fait va rayonner Tu vois, par exemple, quand tu vois, comme il y a pu avoir des mixtapes sur Victor et sur sa dissuasion dans la raquette, où tu as des mecs en fait qui partent, lui il est en chasse, et les mecs s'arrêtent parce qu'ils savent que derrière, s'ils montent au layup, Il y a un risque de contre. Victor il fait go go gadget au bras, il contre sur la planche, tu vois, donc les mecs ils font demi-tour et tout. Tu vois qu'il y a une vraie dissuasion. Donc en effet, de toute façon, après le Ça rentre pas basket, dans les stats, mais c'est de la dissuasion, donc. c'est une ligue de grands. Donc évidemment, le basket, c'est un jeu de grands. C'est évident que un joueur grand va mieux défendre sur un joueur petit, enfin, entre guillemets, même si c'est pas tout le temps. Ah, comment je pourrais dire? Il n'y a pas tout le C'est pas temps un autant, toujours mismatch non autant plus, mais flagrant, mais bon. ouais. Et c'est vrai que là, bon, bah, tu te dis, en effet, le type, il a une véritable influence sur le jeu d'attaque de l'équipe adverse, comme peut l'avoir aussi un peu Rudy dans ce cas de figure aussi. Mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils arrivent à, pour le rendre plus homogène, soit, comme tu dis, tu as raison, c'est-à-dire rendre faire deux défenseurs de l'année. Comme finalement, en fait, ils l'ont fait pour le ballon d'or au foot. Même C'est-à-dire pas que un trophée ben, près. au foot, au ballon d'or, tu avais jusqu'à présent toujours le ballon d'or. Mais maintenant, en fait, ils ont créé les gants d'or pour les gardiens. Parce que finalement, les gardiens, à part à l'époque, Lev Yashin, et je parle de ça dans les années Buffon. 50-60, le dernier gardien qui avait eu des ballons d'or. Mais sinon, en fait, les ballons d'or gardiens ne comptaient pas. Les mecs, ils n'avaient aucune influence sur le limite, ça n'existait pas. Donc là, ils ont créé quand même un award spécial pour les gardiens parce que c'est quand même important un gardien dans le football. Mais là, en fait, quelque part, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils ont bien créé un award Joueur pour clutch. les. Voilà. Ça aussi, comment Donc enfin, tu le quantifies, c'est on n'est compliqué. plus à un award près, effectivement. Vous l'appelez Tu le verrais, award et tu Gary Payton ou je verrais, sais pas quoi, et puis ça fera tu l'affaire. verrais au hockey, en NHL, mais il y a de tout. Limite, Trop. celui qui n'a pas eu de prix aura un prix. Tu regardes les. Alors, t'as des principaux, t'as vraiment, toi, t'as les principaux. Mais après, t'as des prix de tout. C'est l'école des fans. Ils pourraient presque faire la même chose. Tu Ouais, on vois? va sortir les tablettes, on va mettre les notes aussi dans pas longtemps. Bon, allez, voilà, on a beaucoup parlé des awards, mais il faut pas oublier non plus le sens de la patrie. Hein, je sais pas où est-ce qu'on met le cœur. Bref, vous l'avez compris, cet été, ça va être un été qui va être relativement chargé pour les compétitions internationales. On oublie le foot, nous, ce qui nous intéresse, c'est le basket. Et ce qui nous intéresse, c'est moins l'équipe de France. Mais si, quand même, c'est l'équipe de France. Dans Nick Nation France, il y a toujours France. Ça, on va pas l'enlever. Mais au niveau de nos Knickerbockers, on n'a plus RJ qui est parti au Canada et qui est parti doublement au Canada puisqu'il est à Toronto. Par contre, il y a un certain Dante DiVincenzo qui, pourquoi pas, pourrait intégrer l'équipe italienne, la sélection italienne sur cet été. Alors, la sélection italienne pour l'instant n'est pas qualifiée, je crois pas. Elle doit être dans les tournois qualificatifs, les Il nous TQO. manquait un TQ, ouais. Mais voilà, visiblement, Dante ne semble pas être si fatigué de ça, de sa saison, parce qu'il aimerait bien, pourquoi pas, aller chercher une place pour représenter le pays de ses origines. Alors je sais pas, Dante DiVincenzo, oui, le nom a des consonances italiennes, ça c'est certain. Il est pour moi né sur le sol américain, même si c'est des choses qu'il faudrait vérifier. Mais voilà, en tout cas, il semble vouloir en tout cas représenter la terre de ses ancêtres, de sa famille. Pourquoi pas? Pourquoi pas un petit Dante qui vient mettre quelques petits coups de panier à 3 points en veux-tu, en voilà. Il s'est montré plutôt à l'aise dans cet exercice sur cette saison régulière et également en playoff. Donc ça serait un renfort, pourquoi pas, deux poids pour cette sélection qui, on le rappelle, n'aura pas Paolo Banchero puisque lui avait décidé l'été dernier de jouer pour les États-Unis après avoir fait un Tu petit veux tout peu savoir? volte-face. Dis-moi tout. Si tu veux tout savoir, Notre donc ami Dante. le 5 mars, donc Dante DiVincenzo avait déclaré, mon agent est en discussion avec la fédération. Il y a évidemment des démarches administratives à faire. Et mon père, dont la Impressionnant. famille vient des Abruzzes, il travaille. Donc il a révélé ça. Donc il a dit ça à la Gazzetta dello Sport. Donc c'est voilà. Donc Oh. dans un, c'est l'équipe, c'est le magazine L'Équipe italien, quoi. Hein, c'est un gros magazine. Je pense évidemment à la saison avec les Knicks, mais je dois dire que je veux faire ma place dans le basket de la FIBA et j'ai toujours eu le désir de jouer avec l'équipe nationale italienne. Ce serait vraiment merveilleux de pouvoir représenter le pays d'origine d'une grande partie de ma famille. Voilà. Et donc la, les, en effet, au mois début juillet, il y a le TQO, le dernier TQO, et l'Italie donc, jouera dans le groupe B avec Porto Rico, le Bahreïn, alors que la Lituanie sera en contact avec le Mexique et la Côte d'Ivoire dans le groupe A. Donc j'imagine que ça va sûrement se terminer par un Italie-Lituanie sûrement pour une des places. Et l'Italie qui avait fait plutôt bonne figure sur les dernières compétitions internationales. Donc voilà, une sélection qui n'est pas à prendre à la légère. Je ne sais pas si Danilo Gallinari est toujours, on va dire, à fond derrière son équipe. Il s'était blessé, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux saisons de ça, lors de l'Euro. Bref, on verra tout ça, mais en tout cas, indompté pour être un représentant actif des Knickerbockers. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur cette compétition estivale. Il dit dans la fin de l'interview, donc il dit oui, au cours de mes deux premières années d'université, la NBA semblait irréaliste. Alors j'ai pensé à l'Europe et à un passeport italien. Puis les choses ont changé, je me suis concentré sur ma carrière professionnelle aux États-Unis. L'idée de représenter l'Italie à une compétition de la FIBA m'a cependant toujours attiré. Je n'avais d'ailleurs parlé avec Nico Magnon. Nico Magnon qui avait été drafté par les Golden State Warriors, mais maintenant Warriors, en Europe, ouais. Il est revenu en Europe. On a eu des contacts en vue à l'Eurobasket 2022, mais le Covid a tout ralenti. L'année suivante, j'ai dû me faire opérer de la cheville, puis la free agency est arrivée. Maintenant que j'ai trouvé une nouvelle maison ici avec les Knicks, je me sens bien et je suis prêt à donner toute ma disponibilité pour les rendez-vous FIBA pour les années à venir. Cela semble étrange, mais c'est la vérité pour moi. Porter le maillot bleu sera quelque chose de vraiment spécial. J'espère vraiment que cela pourra arriver. Donc, il est quand même motivé. Les intentions qui sont fermes et bien exprimées de la part de Dante. Alors, on n'a pas pu l'avoir. On l'avait invité pour cette émission. Malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible. Donc, merci à toi, Seb, d'avoir fait son porte-parole, son agent, d'une certaine façon. Grazie mille. voilà. En fait, donc, si tu veux, je peux faire une traduction de DeepL et te la dire en italien, si tu veux que ça soit... Non, on va garder ça pour nos auditeurs francophones. On te fera pas parler allemand par rapport au cas Isaiah Hartenstein. Pour l'instant, il n'a pas forcément exprimé de volonté de rejoindre la Mannschaft, championne du monde en titre, il faut le dire, il faut le rappeler, pour ces compétitions. Mais bon, on verra. L'Allemagne, en tout cas, Hartenstein, avec les frères... Surtout qu'Hartenstein, il a un petit contrat à signer. Il a un petit contrat à signer. C'est vrai que sa situation contractuelle, elle n'est pas... Je pense que la free agency ne tombe pas trop bien pour lui ou pour l'équipe d'Allemagne s'il avait envie de jouer pour l'Allemagne. C'est vrai que... Voilà. Et la transition est parfaite pour parler de la dernière pastille qui va nous animer pour ce début d'émission. Et avant de parler de la review de nos Nova Boys, eh bien oui, ça y est, vous le savez. L'intersaison est déjà commencée pour une partie de la Ligue. Il ne reste plus que 4 équipes en liste. Pour l'instant, on le rappelle, à l'heure où on enregistre cette vidéo, il y a 3-0 pour Boston et 3-0 pour Dallas. Ça sent le sweep à tout va des deux côtés du Mississippi. Voilà, donc le pronostic de victoire des Wolves en 7 à Boston de Seb, il prend un peu du plomb dans l'aile, mais le mien tient toujours la route pour Boston. Haliburton est plutôt discret depuis sa blessure en plus, ça arrive malheureusement, et des blessures, il y en a eu beaucoup sur ces playoffs. Ces playoffs, ils sont fous quoi. Quand tu regardes Minnesota, c'est Minnesota qui sweep Phoenix. Il faut le dire, Tom Thibodeau ne coach pas toutes ses équipes. Hein. Tom Thibodeau, il ne coach qu'une équipe, celle des New York Knicks, et les blessures, il ne blesse que les joueurs des équipes qu'il coach. Il ne blesse pas encore les joueurs des équipes adverses, même si cela pourrait peut-être bientôt arriver, mais on n'en est pas là. Tom Thibodeau, c'est un joueur de club, c'est un entraîneur de club, il ne blesse que les joueurs de son club, c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Et non mais ces playoffs après c'est quand même fou, quand tu regardes Minnesota, tu sweep Phoenix, tu bats le champion en titre en 7, et t'existe pas, j'ai encore regardé le match contre Dallas, il t'existe pas, c'était incroyable, ces playoffs ils sont plein de surprises, surprenant. Dommage que les Knicks n'aient pas pu faire la bonne surprise encore une fois, mais bon. Et donc tout ça pour dire que... Oui. Tu sais que on dit souvent l'Est-Ouest. Des gens aiment bien dire ça. On rencontre les équipes de l'Est ou les équipes de l'Ouest, tu te rencontres 30 fois dans l'année. On rencontre pas 30 fois les Lakers, mais on rencontre 30 fois en match aller-retour les équipes de l'Ouest et vice-versa. Donc, le pourcentage de victoire des Knicks sur les équipes de l'Ouest est de 50%. Voilà, on est à 15-15. On n'est pas 15-15 contre. Tu vois, donc il n'y a pas de. On sait pas Un bilan spécialement plutôt équilibré, ce qui ferait un bilan Ouais, de tu vois. 42 victoires, 42 défaites, 41 victoires, 41 défaites en saison Les régulière équipes si contre New qui. York était à l'ouest. Les équipes contre qui on a perdu nos deux matchs, c'est Dallas, c'est OKC et c'est la Nouvelle-Orléans. Et les équipes contre qui on a gagné nos deux matchs sont Portland, Memphis et Sacramento. Après, sinon, contre toutes les autres équipes, Une victoire, Clippers, une défaite. Lakers, San Antonio, Minnesota, Houston, Denver, une victoire, une défaite à chaque fois. Ouais, non, les Knicks n'ont pas à rougir de leurs différents road trips. Ils ont plutôt fait honneur à leur conférence cette saison. Mais effectivement, oui, on nous dit souvent, oui, l'Ouest est supérieur à l'Est. Je sais pas pourquoi on veut dire ça. Il y a plus de stars, certes. Après, là, Dallas termine cinquième, je crois, non? Cinquième de leur conférence. S'ils vont en finale NBA, ça sera surprenant, non? Puisque le 1, le 2, le 3 seront passés, voire le 4 seront passés à la trappe. Donc, Cinquième, moi. un cinquième qui est finaliste NBA, il n'y en a pas si souvent. Hein, un huitième, on sait que ça peut arriver. L'année dernière, Miami, en 99, New York. Mais voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que peut-être que beaucoup d'équipes sont déjà en vacances et des rumeurs, en voulez-vous, en voilà. Il y en a dans tous les sens. Des rumeurs de contrat, prolonge, prolonge pas, à tel prix, pas à tel prix, va faire un petit cadeau, un petit rabais. On ne sait pas trop démêler le vrai du faux dans tout ça. Vous le savez, de toute façon, c'est le jeu des réseaux sociaux, des agents qui veulent faire croire des choses, qui veulent laisser entendre des chiffres. On a bien sûr tout un tas de dossiers qui sont sur le bureau de Léon Rose. Là, OG Anunoby, il est intéressé, mais peut-être qu'il va écouter les offres. Mon ami, on t'a un peu trade pour toi, il va falloir que tu comprennes les choses. Mais d'autres joueurs, voilà, qui seront bien sûr Après, OG, à clarifier en termes de situation et des prolongations aussi. Julius, son agent, c'est le Julie, fils de Léon le Rose. coach. Ouais, on dit Donc ça, bon. on dit rien. Il y a peut-être aussi des écrans de fumée derrière tout ça. Il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes pour éviter tout simplement des accusations de tampering. Hein, voilà, donc OG va peut-être écouter les offres concurrentes, mais il Jusqu'au sait où premier il se sent bien. contrat, et jusqu'au 1er juillet, OG Anunoby est un joueur des New York Knicks. Donc, Tout à fait. C'est qu'à il n'y a pas partir de du question de 1er juillet. tampering, ils ont le droit de discuter avec lui, c'est un joueur des Knicks. Ouais, mais C'est on pas un sait joueur, tu vois, comment. le tampering, il sera si tu vas comme pourquoi les Knicks avaient été sanctionnés. C'est parce qu'ils avaient dragouillé Jalen Brunson alors que c'était toujours un joueur des Dallas Mavericks. Alors que là, Tonton Léon. OG Anunoby prend toujours son petit chèque à l'heure actuelle des New York Knicks. Donc c'est un joueur des Knicks. Donc que ton patron parle avec son employé, il n'y a rien de choquant. Y a rien de choquant. Bon, voilà, tout ça pour dire, on aura l'occasion de revenir sur ces rumeurs, sur ce que les Knicks doivent faire, pas faire, selon nous, hein, selon nous, humbles Je vous observateurs fans. conseille un excellent papier de Fred Katz. De Fred Katz, Oh, toujours. qui justement a bien déblayé toute la situation des Knicks et notamment en quatre questions. C'est très intéressant. On y voit tous les enjeux de l'été. C'est hyper stratégique. Voilà, je peux vous conseiller d'aller le lire. Après, voilà, c'est un article payant. Athlétique. Voilà, Mais The bon, Athletic. on saura Si vous relayer avez les des petits quelques bonnes soucis, brides. si vous avez des petits soucis pour le lire en payant, venez me parler à MP, je peux vous trouver, voilà, Quelques éléments je peux vous pour expliquer vous aider. comment faire pour vous aider, exactement. Voilà. Bon, ça attendra quelques épisodes pour voir quel sera l'été des Knicks. En attendant, nous, on va se revenir en arrière sur la saison et les playoffs des Knicks et les playoffs des joueurs majeurs. Alors, vous l'avez vu de toute façon sur la miniature de cette vidéo, on va s'intéresser au trio des Nova Boys. Ils ont fait toute la saison, ils ont joué pas mal de matchs, ils ont joué pas mal de matchs en playoffs aussi, ils ont été utilisés à différents registres, et donc on va pas perdre de temps plus que ça, on va tout de suite se pencher sur bah, le joueur star, la star, le Le All-NBA joueur, Second le Team. franchise player, tu peux le dire, Voilà. the A1. Le mec à part qui tout passe, le joueur qui est tout Il n'est pas simplement. trop petit, mais son talent est grand. Oh oui, son talent est très grand. Jalen Brunson. Alors, Jalen Brunson, quelle saison nous a-t-il fait? Il nous a fait une saison de All-Star, ça vous le savez. Que je. Je fais un peu d'animation et on va regarder ça tout de suite ensemble avec une petite vidéo qu'on va se lancer en complément, histoire de mettre un petit peu de souvenirs dans les yeux. Voilà, on est prêt. Jalen Brunson. Seconde saison au New York Knicks, une saison plutôt complète, hein. On a 70 matchs en saison régulière sur 82, là-dessus il a été relativement épargné par les blessures, là où le reste de l'équipe, lui, n'a pas été épargné. Donc on a Jalen Brunson qui tourne à 35 minutes par match, 2 minutes de temps de jeu en moyenne cette saison. Hein, Jalen Brunson qui finalement n'a pas un temps de jeu mirobolant quand on regarde cette moyenne. Alors les moyennes, vous le savez, il y a des hauts et des bas et ça reste de la moyenne, mais voilà, on a relativement un temps de jeu équilibré pour un meneur All-Star, le franchise player, qui a su faire aussi tenir l'équipe des New York Knicks sur ses épaules, tenir la baraque, garder le cap avec les Knicks quand OG, quand Julius, quand Mitch, quand bref, tous les joueurs ont pu avoir des absences. Bah, Jalen Brunson a été toujours là en patron. C'était lui l'aiguille qui gardait le cap vers le cap nord pour aller le plus haut et le plus loin possible dans cette conférence Est. Seconde saison à New York, la première avait déjà été une réussite, les playoffs avaient été bons, on avait déjà été relativement rassurés. Cette histoire de contrat qu'il avait signé à plus de 100 millions de dollars pour un joueur qui n'était pas encore All-Star, bon, ça nous a vite été... ça avait vite été reproché aux Knicks, ça a vite dégonflé, ça a fait un peu l'effet d'un pétard mouillé vis-à-vis de ceux qui voulaient, on va dire, bâcher les Knicks par rapport à ça, parce que la première saison a été une réussite. On ne savait pas s'il pouvait faire encore mieux, s'il allait pouvoir garder le cap sur une seconde saison. Et ben on l'a tout de suite vu, hein. Il a tout de suite retrouvé ses automatismes, même s'il y a eu un été avec Team USA qui n'avait pas été foufou, hein, cette fameuse quatrième place, pas de médaille pour... Ouais, les Américains. Le basket va pas trop pour lui. Et un rôle qui était un rôle de titulaire, hein, Steve Kerr l'avait préféré à Liberton, on va dire en début de match, mais pas forcément en fin de match. On avait un joueur qui était plus discret, dirons-nous, moins fringant, un jeu qui est moins basé sur l'isolation. Un Jalen Brunson qui aime bien porter le ballon, c'est un meneur-scoreur, ça là-dessus. Il n'y a plus grand-chose à dire par rapport au profil du joueur. On le connaît depuis la première saison qu'il est arrivé, où il est arrivé à New York. Et son jeu a été révolutionné le concernant sur cette seconde saison. Il a joué sur ses forces. Il a fait aussi avec, on va dire, un back court qui a évolué au courant de saison. On aura l'occasion de revenir dessus dans pas longtemps, puisqu'on va évoquer le cas d'Ante DiVincenzo. Mais il ne faut pas oublier qu'il débute la saison avec un Quentin Grimes en tant que... second arrière à ses côtés pour apporter un complément défensif. Là où on le sait, Jalen Brunson, c'est pas sa force première. Il est bon pour provoquer des charges et passages en force, mais autrement, voilà, pour un joueur qui porte beaucoup le ballon, qui se donne beaucoup offensivement, la défense, c'est pas un défenseur élite. C'est pas Jalen Brunson qu'on retrouvera un jour dans des votes de meilleur défenseur de l'année. Il va laisser ça à d'autres. On peut le comprendre, et puis après tout, il n'y a pas besoin de ça pour être un joueur majeur de la Ligue, on l'a vu. Mais voilà, un Jalen Brunson qui a été présent offensivement, qui a été présent aussi dans la distribution, hein, sur les passes en saison régulière, on est à 6,7 passes, c'est plutôt pas mal pour un effectif qui a dû faire face à pas mal de changements en courant de saison. On l'a dit, Quentin Grimes au début, R.J. Barrett, c'est clairement pas... les arrières ailiers qu'on a retrouvés en fin de saison avec les Knickerbockers. Donc voilà, il a fallu s'adapter à des coéquipiers qui ont changé en courant de saison. Des coéquipiers bon, qu'il connaissait bien, Dante DiVincenzo depuis les années fac à Villanova. Il avait tout de suite le sens du placement, savoir trouver Dante. Ça a été fait à de nombreuses occasions entre les deux. Alors je ne sais pas, j'ai pas le ratio exact des passes. Je ne sais pas si tu as ça, toi, vers toi, Seb. À qui Jalen Brunson adresse le plus souvent ses passes, mais on a quand même eu, au regard de tous les matchs qu'on a pu voir, une très belle connexion entre les deux. Une très belle connexion entre les deux. Ils arrivaient à se trouver un peu les yeux fermés. C'était plutôt intéressant. Moins peut-être de distribution vers le jeu intérieur, moins vers Mitchell Robinson, qui a fait une saison également entrecoupée par pas mal de blessures. Mais voilà, un Jalen Brunson qui a encore une fois, qui a encore une fois élevé le niveau qui lui permet d'obtenir sa première sélection All-Star, pas titulaire certes, mais une première sélection All-Star totalement méritée. Et également, voilà, les awards qu'on a évoqués tout à l'heure, la bonne cinquième place au vote de MVP, et puis une moyenne en carrière au scoring bah, qui monte à 28,7 points, tout simplement ce qui se fait de mieux dans sa carrière NBA. Voilà, Jalen Brunson, phénoménal sur la saison régulière. Je sais pas si tu vas ajouter quelques points concernant la review de sa saison. Bah, avoir dit, bah, critiquer Jalen Brunson en saison. Jalen Brunson, c'est donc comme tu as dit, c'est 77 matchs. 77 matchs, donc sur 82. C'est un bilan de 49 victoires et 28 défaites. Plutôt pas mal, hein, le bilan. Jalen Brunson, c'est 2 matchs à plus de 50 points sur la saison régulière. 9 matchs entre 40 et 49 points. 25 matchs entre 30 et 39 points. Et 30 matchs entre 20 et 29 points. On est là encore une fois sur du bien rempli. En assist, ben tu l'as dit, hein, on est sur 50 matchs entre 5 et 9 passes. Et 9 passes et 9 matchs entre 10 et 14 passes. Ben, c'est 9 double-doubles dans la moyenne. Un meneur scoreur, certes. Un meneur scoreur, certes, mais qui est capable de distribuer le jeu tout de même pour ses coéquipiers. Oui. On l'a vu. C'est après, derrière, voilà, c'est un joueur qui est la plaque tournante de cette équipe. Quand tu regardes son on-off court, c'est un joueur qui, lorsqu'il est sur le terrain, les Knicks mènent de 9 points. Et lorsqu'il n'est pas sur le terrain, les Knicks perdent de 5,4. L'influence qu'a ce petit bonhomme sur le jeu, c'est-à-dire que, ben, que quand il est là... on a plus de chances de gagner en effet que lorsqu'il n'est pas là. Oui, après, ben voilà, il y a eu un choix fort qui a été fait de sortir Grimes, qui était en délicatesse en début de saison. Moi, je pense que l'année dernière, c'était un très bon bas de court entre lui et Grimes. Grimes rentrait plus 6 shoots. Je pense qu'il était un meilleur défenseur que Dante DiVincenzo. Oui. Problème, c'est que Grimes, ça va, ça vient, et puis il commençait à avoir du vagalame, il commençait à avoir des petites phrases, des petits machins qui sortaient un peu dans les médias. Son adresse qui n'était pas au rendez-vous non plus, donc ouais, on aura l'occasion. Voilà, son adresse qui n'était pas au rendez-vous. Moi, comme je l'ai toujours dit, je regrette qu'à ce moment-là, on n'ait pas tenté Emmanuel Quickly dans le 5, mais je pense qu'on savait déjà, quand je dis on, c'est le front court, je pense que le front court savait déjà que Quickly n'allait pas terminer la saison. Donc à quoi bon développer une alchimie pour ne pas la pérenniser? Mais j'aurais aimé quand même voir un Jalen Brunson, Emmanuel Quickly, ça aurait été bien kiffant. Donc ça a été le choix logique de Dante DiVincenzo d'être mis à ses côtés. Et puis bon ben voilà, il y a tout de suite eu cette connexion Villanova qui s'est recréée. Les deux se trouvent. JB voit bien que quand Dante coupe sur ligne de fond et il arrive bien à identifier ses lignes de passe. Ils savent comment joue l'un l'autre, ils se connaissent très bien, hein, pour avoir passé les années de fac ensemble, ils sont amis. Donc ça a été un changement important et puis la blessure de Julius qui l'a d'autant plus responsabilisé pour le reste de la saison. Où là, bon bah on a vu, il y a eu un gap qui a été franchi. Hein. La blessure de Jus arrive en fin janvier contre Miami. Elle arrive le 27 janvier contre Miami. Bon ben voilà. Après derrière, tu vois, tu retrouves avec un Jalen Brunson plus responsabilisé, par qui le jeu va passer. Sur qui les défenses vont plus s'attarder. Mais malgré tout, il fait ses matchs. Hein. Je veux dire, il nous a sorti un match à 61 points contre San Antonio dans une défaite. Il nous avait sorti un match à 42 points contre Sacramento. Donc, bon. Il a su prendre ses responsabilités malgré qu'il était l'option offensive numéro 1 en l'absence de Julius Randle. Les défenses se sont ajustées, savaient qu'il fallait couper la tête du serpent et que la tête du serpent c'était Jalen Brunson, mais pour autant il n'a pas laissé de cadeau aux défenses. On le pense entre autres à cette fameuse action, alors je ne sais plus si elle est dans les highlights, mais où on voit la défense de Sacramento qui qui regarde un petit peu, qui prend une feinte de regard de Brunson, et Brunson qui met tout de suite son défenseur dans le vent. Voilà, Brunson a su faire face à l'adversité. L'adversité s'est faite à deux niveaux. Elle s'est faite, bien sûr, par les adversaires chaque soir, et les défenses qu'il pouvait proposer sur son jeu, et puis les absences, les blessures, les ajustements d'effectifs. Et malgré ça, il a réussi à tenir un cap élevé sur toute cette saison, qui a permis aux Knicks de gagner 50 matchs. On l'a dit, 49 avec lui. Donc visiblement, il y a une victoire sans lui. Si vous arrivez à vous rappeler de la victoire où Jalen Brunson ne joue pas, vous pourrez nous le dire en commentaire. Mais tout ça pour dire que ouais, il a su tenir le cap malgré les difficultés que pouvait rencontrer l'équipe. Et pour autant, le bilan est très bon, et le sien encore plus, quoi. Et la stat que j'aime bien aussi un peu voir, qui est quand même un peu révélateur aussi de l'influence d'un joueur, bah c'est son PER. Donc il quantifie l'influence d'un joueur sur un match. Son PER est à plus de 20, il est à 23,5, quoi. Qui est c'est simple, il n'a pas eu un PER en dessous de 20 depuis qu'il est au Knicks. L'année dernière, 21,2, cette année 23,4. Et son win share, pareil, donc c'est son influence dans les victoires. Qui ne cesse de grossir, qui est à 0, quasiment 0,2, ce qui est énorme. Donc non, Jalen Brunson a fait une La moyenne en NBA pour un PER, tu peux la rappeler peut-être 15. Pour un joueur 15. Voilà. Donc 15. On est sur un joueur qui est au-dessus de la moyenne, ça on l'a bien compris. Alors en plus, un élément aussi qu'on a un peu évoqué sans l'évoquer, Jalen Brunson, il a fait l'objet de certaines critiques dans les médias. Alors, des critiques qui étaient justifiées, pas à notre goût. On a essayé de le défendre, et pour nous qui regardons tous les matchs Genix, voilà, on ne comprenait pas la raison de ces critiques, ou du moins les éléments qui pouvaient aller dans ce sens. Mais on se rappelle de Becky Hammon qui dit « Mais non, mais de toute façon, on ne peut pas gagner avec un joueur petit », ou Candace Parker, ou d'autres observateurs qui minimisaient les résultats de cette équipe, qui minimisaient les performances de Jalen Brunson. Jalen Brunson, il a cette force de caractère qu'on lui connaît depuis finalement tout le temps, depuis son parcours en high school, depuis son parcours à la fac, depuis son arrivée dans l'NBA avec une draft au second tour. Ben voilà, c'est pas un joueur pour lequel il n'y a peut-être pas ce côté star, shiny, bling bling. Voilà, c'est pas lui qui va faire les défilés de mode sur Instagram ou Omet ou que sais-je. Mais pour autant, on a un joueur qui est rugueux, on a un joueur qui produit, on a un joueur qui est totalement dans l'ADN de Senix, à savoir pas forcément une star, pas forcément une star dans le sens péjoratif du terme, ce côté starlet diva, mais clairement un joueur bosseur qui ne prend rien pour acquis et qui va aller chercher à la force de son courage ses résultats, quoi. Donc c'est en ça où il y a une totale adéquation avec New York, son public, et pas forcément, il n'est pas dans le star system de la NBA, même si ça finira par y arriver peut-être. Peut-être qu'il obtiendra ces éléments de crédit et de reconnaissance. Par rapport à ce que tu dis, j'invite les gens qui regardent cette vidéo à aller voir par la suite la vidéo donc c'est la chaîne des NBA Stories. Oui. Et ils ont fait une très belle vidéo sur Jalen Brunson. Donc la vidéo s'intitule Jalen Brunson, nouveau roi de New York. Donc le rétro underscore 98. Très belle vidéo. Très belle vidéo sur Jalen Brunson, sur son parcours. Son parcours. Sur le parcours de ce gars jusqu'à son arrivée à New York et qu'il prenne les clés du camion. Voilà, très très belle vidéo. N'hésitez pas, si je pense que beaucoup l'ont déjà vu, mais ceux qui ne l'ont pas vu, allez jeter un œil. On recommande, effectivement. Bon, en tout cas, on a fait une très belle saison régulière avec Jalen Brunson. C'est l'artisan principal. C'est le rôle de franchise player qu'il a réussi à endosser sans aucune contestation à New York, et l'absence de Julius Randle a encore plus confirmé cette hiérarchie et ce poste. Très belle saison régulière. Que dire de ces playoffs? Que dire de ces playoffs où, voilà, on avait une opposition face à Philadelphie qui était loin d'être facile. On a ensuite une opposition face à Indiana qui n'a pas été si facile que ça, hein, clairement, ça va jusqu'au match 7. Les blessures, elles ont continué de venir accabler les New York Knicks, et pour autant, pendant tout ce temps-là, encore une fois, Jalen Brunson a livré des prestations de très haut vol face à des défenses qui ont essayé de s'adapter. Là, on arrivait sur l'élite de la NBA, le top 8 de chaque conférence, Nick Nurse, il s'y connaît un petit peu au niveau défense. Il avait quelques joueurs à envoyer. Côté Pacers, on a eu aussi Rick Carlisle qui a adapté son plan de jeu pour venir contrecarrer les cartons offensifs de notre ami JB. Et pour autant, bah voilà, sur cette campagne de playoff, même si elle ne se termine pas de la meilleure des façons, même si elle se termine par une blessure, même si on a senti par moments des coups de mou de Jalen Brunson, on a senti sur certains matchs qu'il était voilà, un peu plus en délicatesse avec son shoot. Il a forcé, les pourcentages ne sont pas toujours très très bons. En playoff, on est quand même sur un joueur qui termine sur 13 matchs avec un taux d'utilisation, enfin un temps de jeu à 39,8 minutes. Donc là, forcément, le leader en chef a été utilisé. Et on est sur une moyenne de points qui a encore augmenté. Il a encore élevé son niveau de jeu. Alors certes, il n'y a que 13 matchs par rapport aux 77, mais on est à 32,4 points par soir. On est aussi à 7,5 passes. Il y a encore plus de passes. Alors oui, vous allez me dire, il y a plus de minutes, c'est normal qu'ils produisent un peu plus. Mais voilà, on est sur un joueur qui a continué de livrer un haut niveau de performance. Et on l'a dit, on l'a répété, il y a des performances avec des soirs à plus de 40 points de façon consécutive. Et ça, il fallait revenir à une époque d'un certain Michael Jordan ou d'un certain LeBron James pour arriver avec ce niveau de régularité dans le haut niveau de performance. Donc, si la saison régulière avait été de haut vol, que dire de ces playoffs? Malheureusement, le parcours se termine plus vite qu'on aurait espéré, plus vite que lui également aurait espéré, mais il a su montrer encore une fois qu'il était en capacité d'élever son niveau de jeu malgré des défenses qui ont aussi élevé leur intensité sur lui. Et en ça, la performance reste encore une fois exceptionnelle vis-à-vis de Jalen Brunson. Si tu veux rajouter un mot sur ces playoffs, Oh, un les superlatif avant playoffs où il est rentré, qu'on sorte l'ardoise et qu'on mette il a mis un peu de temps, la hein. note. Enfin, il a mis 2 matchs à prendre le pouls de la compétition. Et après, c'était lancé. Après, c'était lancé. Et voilà quoi. Il a montré que c'était le meilleur meneur de l'Est, qu'il n'y avait pas de débat là-dessus. Le gars a été fantastique, tu l'as rappelé, hein, ces matchs à 40 points. Il avait une détermination, mais à un moment donné, voilà quoi. Cette équipe débute avec un roster qui n'est plus du tout le même. À la fin, ça devenait trop compliqué. Et puis, il y a cette blessure déchirante qui fait qu'il ne peut pas terminer les playoffs sur le terrain. Il est obligé de voir ses copains depuis le vestiaire. Donc ça, c'est vrai que c'est voilà. Il C'est dommage car il aurait mérité. abandonne pas les armes à la main comme je pense qu'il aurait aimé le faire. Il aurait mérité sa Non, standing ovation en sortant de ce match voilà. 7. C'est dommage Non, par rapport à ça, mais. il a produit des playoffs, j'ai l'impression, plus complets que l'année dernière, qui étaient déjà excellents. On se souvient tous de sa série face à Miami, où il avait été monstrueux. Là, il nous sort deux séries incroyables contre Philadelphie, puis contre Indiana. Non, Jalen Brunson est une des meilleures choses qui soit arrivée aux Knicks depuis ces 24 dernières années. Tout simplement. C'est bien résumé, je pense. Allez, ça va être l'heure de faire le petit bilan, la petite note. Moi, vous le voyez, non, vous le voyez pas parce que pour l'instant c'est caché. Mais j'ai sorti la petite ardoise. Moi, je me suis pendant ton retour sur les playoffs de Jalen Brunson, je me suis positionné sur les notes. Alors, on va vous rappeler comment on va procéder, tout simplement. On ne s'est pas concerté, moi et Seb, avant de donner des notes à ces joueurs. On va donner 2 notes, une note pour la saison régulière et une note pour les playoffs, parce que voilà, les performances ne sont pas forcément les mêmes. Certains vont avoir élevé leur niveau de performance, d'autres vont les avoir baissés, d'autres vont les avoir maintenus. Voilà, les contextes sont différents. On n'attendait pas la même chose de certains joueurs aussi que d'autres. Bien sûr, un joueur, par exemple Miles McBride, n'était pas attendu à un niveau dans lequel on pouvait attendre Jalen Brunson. Donc on aura une appréciation qui ne va pas désigner tout simplement la hiérarchie de cette équipe. C'est pas parce qu'un joueur va avoir une note de A par rapport à un autre qui aura une note de B que un joueur va être plus valuable que l'autre. Mais c'est tout simplement l'évaluation, notre ressenti sur la saison. Est-ce que c'est une saison qui a répondu aux attentes au niveau des objectifs qu'on pouvait avoir quand cette saison s'est lancée, quand ces playoffs se sont lancés? Et on va commencer donc par celui à qui on doit beaucoup de choses cette saison, avoir pu vibrer pendant longtemps. Tout simplement par Jalen Brunson. Moi, mes 2 notes sont prêtes. Seb, si t'es bon, on va pouvoir révéler tout ça ensemble. J'attends ton top. Allez, on est bon. Nos notes pour Jalen Brunson sur cet exercice 2023-2024 me concernant. Alors, est-ce qu'on arrive? On va peut-être aider à lire. En saison régulière, moi, je mets un A+. Tu mets également un A+, en saison régulière? C'est ça? Mais également en play-off? Et moi, en play-off, je mets un A++. A++ x2. Voilà. En tout cas, tout ça pour j'ai dire ça, que... J'ai jamais vu ça, à l'école. A++. A++, oh, ce que tu veux. Enfin... C'est un 21 sur 20. Monsieur, vous... Excellent, c'est mention excellent, c'est mention MVP. On l'a entendu de nombreuses fois, le MVP, quand il devait aller shooter des lancers francs au Madison Square Garden, mais pas que. On l'a aussi entendu dans tout un tas de salles où il y avait la communauté des Knicks fans assez bien représentée. On pense à Washington, à Orlando, à Brooklyn, bon bref, tout un tas de salles où Jalen Brunson était reconnu pour sa belle saison et ses talents. Mais voilà, non, Jalen Brunson, bah, c'est amplement mérité. Il a fait très fort en saison régulière et il fait encore plus fort en play-off. Donc voilà, du plus ce que vous voulez. On ne pouvait pas demander mieux, si ce n'est bah, voilà, d'avoir poussé l'équipe encore plus loin. Mais malheureusement, ce n'était pas de son fait. Un joueur aussi fort soit-il individuellement a besoin de ses coéquipiers. Non pas qu'ils ont fait défaut, mais ça a été mission un peu trop compliquée pour New York pour aller au-delà de ce match 7 au second tour. Voilà pour notre grosse review sur Jalen Brunson. Il méritait bien ça. Maintenant, moi, je te propose de parler d'un autre joueur. Un autre joueur du Big Three. Et qui d'autre que son poteau du podcast. Tout simplement. Notre ami. Le voici, le voilà. Et voilà, donc Josh Hart, le second compère, le compagnon de podcast de Jalen Brunson, mais pas que, compagnon sur le terrain et aussi visiblement un petit peu en dehors. Lui également nous livre une sacrée belle saison, une saison qui se dessine un petit peu en deux temps pour Josh Hart, même plein de temps en fait. On parlera de ses playoffs aussi après, mais forcément, les blessures ont revu la rotation de Tom Thibodeau et il s'est retrouvé à avoir un poste de titulaire en fin de saison qui n'était pas du tout le sien en début de saison. Et un petit peu aussi à l'image de JB le concernant, l'été a été compliqué et le début de saison n'a pas été si simple pour Josh Hart, qui a eu un petit peu du mal à retrouver son rythme, à retrouver sa place. L'arrivée d'un autre Nova Boy, en l'occurrence Dante DiVincenzo, semblait avoir un petit peu chamboulé les plans, les cartes, la répartition des temps de jeu. Il y a eu des ajustements, on a eu un RJ Barrett, faut pas l'oublier non plus, qui était plutôt... efficace sur les premiers matchs de la saison régulière, et un Josh Hart qu'on n'a pas pour lequel on n'a pas retrouvé le surplus d'énergie, ce coup de boost en sortie de banc en début de saison. Donc Josh Hart, voilà, on est sur un profil de couteau suisse qui est très fort sur la défense, sur tout un tas de postes, hein. Il est en capacité de switcher et beaucoup plus de polyvalence que d'autres joueurs. C'est le meilleur défenseur d'Enix si on en revient au vote pour le DPOY. Mais voilà, début de saison compliqué. Les errements peut-être de Tom Thibodeau et de Quentin Grimes ne l'ont pas aidé non plus. On a senti une phase d'adaptation où il a dû retrouver un peu sa place, retrouver ses sensations, retrouver son énergie, recharger un petit peu les batteries. Ça n'a pas été trop pénalisant pour les Knicks au début, mais tout de même, un début de saison un peu plus discret, un peu plus timide le concernant. Je sais pas ce que tu en as pensé. Bah, quand tu regardes ses 30 premiers matchs, il tourne à il joue 28 points. Minutes. Mmh. Il joue 28 minutes, donc il a 30... Il en commence 5 en tant que starter. Il a une adresse à 3 points, mais bon, on sait que c'est pas non plus son truc. Il est à 32% à 3 points. Une adresse au shoot à 45%. C'est 7,5 points. C'est quasiment une balle volée, 3 passes et 6 rebonds. Et tu as le temps de jeu sur cette période où il sort du banc où il... 28 minutes. Donc un temps de jeu quand même relativement conséquent pour un joueur du banc, mais voilà, une production qui était un peu plus discutable. Ouais, les 30 premiers matchs sont un petit peu plus compliqués. Ensuite, quand on regarde au niveau des 30 suivants, ça monte un peu plus. Là, cette fois-ci, on est sur les 30 suivants, on est sur du 34 minutes de moyenne. Donc on a un peu plus de temps de jeu. Il en joue la moitié en tant que starter, forcément, hein, puisque là, sur les 30 suivants, On se retrouve avec une partie du janvier et surtout de février, là où quand Oji va se blesser, bah, c'est lui qui rentre dans le 5 majeur. Où là, bah, on est quasiment à 10 points de moyenne, avec quasiment aussi une balle volée, 4 passes, et on commence à frôler les 10 rebonds par match. Avec une adresse à 3 points qui reste aux alentours des 31-32%. Et une adresse au shoot à 40%. Et sur le reste de la saison, donc sur les 20 derniers matchs, là on a un Josh Hart donc qui est à 40 minutes de moyenne, donc forcément ça monte en flèche. On est à quasiment 12 points par match, avec 6 passes et 11 comptes, et 11 rebonds. 11 contre, ça aurait été phénoménal. Mais 11 rebonds, ça y est. On avait un Josh Hart qui prenait sa à moisson de 30%, rebonds et voilà. qui finissait parfois en 30% à double-double. 3 points. Voilà. Un élément Et 23 matchs, 23 starts. qu'on n'a pas évoqué encore, mais Josh Hart a fait ses premiers triple-doubles en carrière chez les New York Knicks. Il n'en avait pas fait jusqu'à présent dans les équipes où il a pu passer, que ce soit à Portland, que ce soit aux Lakers, que ce soit aux Pelicans. Mais voilà, Josh Hart, avec ce temps de jeu qui était un peu plus en hausse, certes, de par le contexte, bien sûr, il n'était plus en sortie de banc, il fallait utiliser un joueur valuable, un joueur utile pour Tom Non, Thibodeau, mais tout sur un tas de profils. Et là, on a eu ces 10 son mois de rebonds par mars, soir et les points son qu'elle mois de avait. mars est exceptionnel. Hein. Son mois de mars est exceptionnel puisque, en effet, comme tu as dit, déjà il tourne en 11 points, 11 rebonds et 6 passes. Mais surtout, comme tu l'as dit, son premier triple-double arrive contre Cleveland le 3 mars. Contre Philadelphie le 12 mars, il va en faire un nouveau. Donc 10 points, 12 rebonds. Et enfin, 20 Et points, de la passe. 10 passes, 19 rebonds. Tu t'imagines le truc? 19 rebonds, 20 points, 10 passes, 19 rebonds contre Bon. Philadelphie. Et on parle pas de l'option numéro 1 de l'équipe, hein. On parle pas d'un joueur dominant dans la raquette qui peut aussi ressortir sur des extérieurs. Ensuite, On est sur un joueur. contre les Warriors, là-bas, il va nous faire un 10 points, 11 passes, 11 rebonds. À nouveau contre Détroit, 11 points, 10 passes, 14 rebonds. Et après, sur ce mois de mars, on va se jouer à deux passes, à deux rebonds, prêt pour que finalement, presque, il soit au taquet, il passe un sans faute, quoi, sur le mois de mars. Mais après, voilà, on a expliqué qu'il a eu un temps de jeu, forcément, qui a explosé. Parce que donc les Knicks étaient touchés durement par les blessures. C'est-à-dire que coup sur coup, on avait déjà Mitchell Robinson qui n'était plus là. Et on perd coup sur coup et OG Anunoby et Julius Jésus. Randle. Donc plus de rotation en 4. Compliqué. Donc on a un Josh Hart qui rentrait. Beaucoup d'équipes auraient peut-être jeté l'éponge à ce moment-là en disant bon ben la saison est foutue. Alors que les Knicks étaient quand même toujours dans le top 4, top 5 à l'Est, mais il fallait quand même conserver un niveau de compétitivité. Donc Josh Hart a eu un temps de jeu qui s'est forcément élevé, Adapté, qui ajusté. a enflé parce qu'il fallait ben, malheureusement qu'il joue. Alors oui, j'entends quand ton petit oui, mais pourquoi est-ce que ton petit Bodo n'a pas fait jouer d'autres mecs? Parce que peut-être que Daquan Jeffries ou Jakob Toppin n'ont peut-être pas le niveau nécessaire pour permettre à Josh Hart, enfin à Onyx, d'avoir toujours ce niveau-là de compétitivité. On va me dire oui, mais même si c'est 5 minutes, ouais, mais regarde les 5 minutes finalement, les 5 minutes de repos, il les a eu, puisqu'il n'a pas joué, il a pas joué les 48 minutes. Il a joué au max à la fin 40 minutes. Bon. Et Bon, il il a nous a joué fait au quelques max à la fin 40 sorties, minutes il a sur. fait des sorties en playoff, on va venir sur ces playoffs après, où il a joué toutes les minutes, certes, mais on est Ah. sur un contexte de rotation raccourcie et sur des Voilà. matchs où il y a peu de marge. Donc on a un joueur qui était le monsieur triple-double d'une certaine façon de cette équipe, Le monsieur couteau pas suisse. force le monsieur couteau suisse, capable de défendre sur tout un tas de profils, capable d'apporter de l'énergie pour aller de l'avant, capable d'aller arracher des rebonds là où les pivots en prenait certes, mais c'était souvent lui qui allait finir meilleur rebondeur de l'équipe. Et puis cette capacité à propulser l'équipe vers l'avant. De nombreuses fois, on a pu voir un Josh Hart qui va en mode coast to coast, rebond et boum, direct, je relance le jeu et je vais finir au panier. Avec donc cette capacité à finir, parfois en end-one, des fois ça finit plutôt dans les tribunes. Mais en tout cas, voilà, il a apporté ce côté relance rapide, dynamiseur dans le jeu, apporté de la vitesse. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de taille quand on parle de Josh Hart. C'était compliqué sur certains match-up, même s'il y a un côté vaillant, il y a un côté plutôt musclé, mais le déficit de centimètres pouvait jouer des tours par moment. Mais voilà, on a en tout cas un monsieur triple-double qui n'est pas non plus dans le scoring en premier. C'est plutôt le glue guy parfait, le mec qui va faire les actions défensives ou les passes dont on a besoin pour pouvoir faire tout simplement fluidifier le jeu de l'équipe. Même si on l'a dit, Brunson était plutôt bon à la passe cette saison, à impliquer ses coéquipiers, et sans l'implication de ses coéquipiers, il n'y aurait tout simplement pas eu cette osmose, cette réussite au niveau collectif. Mais Josh Hart était le second glue guy qui faisait justement ce jeu collectif d'équipe. Les rebonds, on l'a dit, c'était un des éléments clés, un des points forts d'Enix cette saison. On a eu un Mitchell Robinson très bon en début de saison, mais sur la deuxième partie de saison, bah, les performances au rebond, jusqu'à 19 rebonds pour un Josh Hart, c'est phénoménal. On le savait qu'il avait ces capacités-là, il nous l'avait déjà montré quand il était venu avec les Blazers au Garden pour faire une soirée, je crois aussi à 19 ou 20 rebonds. Il a cette capacité-là, ce sens du rebond que d'autres n'ont pas forcément. Cette envie, ça parle aussi beaucoup de l'envie, l'envie de se sacrifier pour aller arracher ses ballons. Et c'est tout autant de munitions qui permettent aux Knicks de réexploiter ça dans le jeu offensif. Et clairement, il a été un élément très très important de cette équipe. Alors une saison en deux temps, une phase d'adaptation, et puis une fin de saison en boulet de canon. Fin de saison qui coïncide avec ses 50 victoires en fin de saison régulière. Un Josh Hart qui a été beaucoup utilisé, mais parce qu'il était aussi un élément vital, un élément clé de la réussite des Knicks de Tom Thibodeau sur cette saison, de par les blessures. De parler juste. Josh Hart, c'est son bilan est à 49 victoires pour 32 défaites. Pas mal. C'est 21 double-double, 6 triple-double. Pas mal. Pas mal. Sympa, hein. Pas mal. Sympa. Pas mal pour un joueur qui a été prolongé l'été dernier. Un tarif plutôt correct au regard de sa productivité. Et pour lequel, voilà, il y a aussi une bonne osmose collective. Forcément, c'est un des chouchous du Garden, un des fanfarons. Attitré et aussi un bon défenseur d'Enix par médias interposés. Nombre de fois, on a pu voir un Josh Hart s'exprimer pour défendre Thibodeau, pour défendre tout simplement l'équipe, pour défendre JB. Voilà, clairement, un joueur qui se donne entièrement pour l'équipe, dans tous les sens du terme. Sur le terrain, on mène de 6 points. Et quand il n'est pas sur le terrain, on mène de 1 point. Donc, comme la Jalen Brunson, il y a un impact non négligeable de sa présence sur l'aire de jeu. Bon, une saison régulière très bonne même si en deux temps. Les playoffs, il n'y a pas eu deux temps, il n'y a pas eu deux temps d'observation. Clairement, on a eu un Josh Hart qui a été dans la continuité de sa productivité en saison régulière. Même si statistiquement, forcément, l'échantillon est plus court. En playoff, on est sur un temps de jeu qui va être plus élevé, 42 minutes. Certes, il y a eu des blessures qui l'ont réduit. Il y a tout de même des matchs à 48 minutes où il ne sortait pas. Et ça, forcément, c'était peut-être caricatural. C'était pousser l'utilisation de Josh Hart à l'extrême. Mais pour autant, ça a permis aux Knicks de venir à bout des Sixers. Sixers, pour lequel il y avait une match-up qui était loin d'être facile, clairement, avec du Joel Embiid dans la raquette. On pouvait craindre, justement, de l'utilisation de Josh Hart. Face à un défi physique qui était annoncé par les Sixers, ça n'a pas été le cas. Et il s'est même montré clutch sur certaines rencontres, faisant gagner les Knicks, avec des tirs à 3 points. Comme on l'a dit, ce n'est pas sa spécialité, mais il a réussi à nous sortir le cul des ronces, pour le dire crûment, dans certaines occasions. Donc voilà, Josh Hart qui n'est pas celui qui est le plus défendu des Knicks, mais qui s'est montré à être plus productif en attaque. 14,5 points. Contre que 9,4 points, mais également 11,5 rebonds. On est sur un joueur qui est en double-double sur les playoffs. 4,5 passes, un petit peu moins de passes. Non, c'est quasiment... Si, un petit peu plus de passes, 4,5 contre 4,1 en saison régulière. Donc encore, le glue guy parfait. Même si match 6, où il se blesse contre les Pacers, touché aux abdominaux. Là, on se dit, bon, effectivement, son corps lui rappelle à l'ordre. beaucoup d'utilisation de l'énergie et des efforts qui ne sont pas ménagés pour Josh Hart. Manque de lucidité peut-être parfois sur certaines séquences, sur certaines actions, mais Certaines comment contre-attaques lui où il part un peu reprocher? la fleur au fusil. Comment lui reprocher sa débauche Après, d'énergie et c'est son pas son envie? jeu, hein. C'est ça. C'est l'ADN du joueur. On a retrouvé le bon Josh Hart Il en est playoff. fait, il est. Ce type est fait pour les Knicks. Ce type est fait pour les Knicks. Est-ce qu'il est Non, mais fait pour sérieusement. être titulaire ou est-ce qu'il est fait pour être plutôt un joueur du banc? Ça, c'est une Ah, question qu'on peut se poser, ça. Mais en qu'il tout faudra se cas, poser. sa mentalité et son jeu sont faits pour jouer pour les New York Knicks. Clairement. Et ce numéro 3, ce numéro 3 qui était la propriété d'un certain John Stark il y a plusieurs années, Il a été adoubé par Justin. qui a été repris par beaucoup de joueurs, par trop de joueurs parfois, certains qui sont de sombres role-players, hein, de sombres random players, dirais-je. J'ai cru que t'allais dire certains sont de sombres connards. Non, on se permettra pas. On aime tous nos Knicks ici, vous le savez bien. En dehors peut-être de Kristaps Porzingis. Et encore, avec le temps, peut-être que les choses passent. Mais non, de sombres random players. Ah, Vous pardon. penserez à Dennis Scott, à Shendon Williams, je crois. Enfin, je sais plus lequel. Bref. Il y a eu Marbury, certes. Mais là, avec Josh Hart, on a quelqu'un qui est le digne héritier de John Starks. Avec du 3 points, du côté je peux aller slasher, dunker, de l'énergie, on a retrouvé finalement l'ADN de ce numéro La 3 sensation glorieux des de Knicks. l'harangueur de foule. En plus, il aime jouer avec le Garden, avec le public, et le public lui rend bien. Clairement, on pense entre autres à son F, Reggie Miller, en playoff, qui était encore une fois un Oui. régal. Il nous a régalé, Josh Hart, clairement, un des chouchous du Garden. C'est pas le joueur star non plus. On parle pas de star quand on parle des Knicks de toute façon. Certains aimeraient voir des All-Stars, aimeraient voir des noms clinquants. On n'a pas un nom clinquant. On a encore une fois un besogneux. On a encore une fois un joueur qui joue à l'énergie avec une énergie non, comment dire, dissimulée et non économisée. Et voilà. On comprend aussi pourquoi Tom Thibodeau fait si souvent appel à lui, trop souvent appel à lui. C'est sûr que s'il avait eu un rôle plutôt de titulaire, de joueur sorti du banc. On n'aurait pas eu autant de minutes, Alors, et tu as un peu de jeu là. mais. Tu savais que 26 joueurs ont porté le numéro 3. En tout et pour tout, oui. 26 joueurs. Et entre autres, donc évidemment, tu as dit, on a John John Starks, Starks. on a Rick Carlisle qui a porté le Oh! numéro 3. C'est marrant ce petit clin d'œil du destin. Oui. On a. Bon, je passe les premiers noms parce que les Brendan McCann, tout ça, sont des noms qu'on C'est connaît pas pas des époques trop. qu'on a vécues. Voilà, mais sinon, ben, on a Tracy McGrady en Bien 2010 qui sûr. porte le numéro 3. Pour son On a passage Kenyon rapide. Martin. Ouais. On a José Calderon. José. Brendan Jennings, bien évidemment, dans les années 2017. C'était les bonnes années, ça. Les années 2017. Tim Hardaway Jr. Eh oui. Eh oui. Nerlens Noel. On Et avait oublié le évidemment. Sunderland. Et évidemment, donc, les légendes, la leyenda, comme on l'appelle. Alors, Billy Garrett, as-tu des souvenirs de Billy Garrett? En as-tu? Un sombre random player, hein, on est d'accord. Plutôt arrivé en fin de saison 2017 ou. Et Trevor Kills. Trevor Kills, mais oui, c'est vrai. Le rookie drafté par Léon Rose. Bon, bref, une petite pensée à eux. En tout cas, le maillot de Josh Hart, lui, est plus Non, vendu. il y a eu des sacrés noms qui l'ont porté quand même, Ouais, ce numéro 3. Denis Scott, Denis Scott. Ouais, Denis Bref, Scott, voilà. En tout cas, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport au playoff de Josh Hart. Bon, les playoffs sont Il a fantastiques. tout donné. Il a tout donné. Les playoffs sont incroyables. Je veux dire, il y a eu le Josh Hart de la saison régulière, de la fin de saison régulière. Qui était le bon Josh Et il y a Hart. eu le Josh Hart des playoffs, qui n'est pas à l'économie, qui donne tout. Qui va même jusqu'à la fin se péter le bide, littéralement, hein, pendant J'adore. ces matchs-là. Non, fantastique, fantastique Josh Hart. Avec Jalen Brunson et Dante DiVincenzo, c'est vrai que les trois, et on pourra citer aussi OG, mais c'est vrai que Josh Hart, il a eu cette particularité de jouer avec la foule, d'appeler, d'amener cette énergie supplémentaire. Le 3 points de la victoire sur le match 2 contre Philadelphie, où c'est lui avec JB qui vont chercher le ballon dans les mains de Maxi, qui le ressort pour Dante. Enfin, incroyable. Non, ces playoffs ont été une totale réussite. Une totale réussite et beaucoup de gens l'ont plus aimé cette année par rapport à l'année dernière parce qu'il a vraiment eu un poids, une aura en tout cas qui s'est développée au sein des Knicks. Et beaucoup ont, je pense, identifié les playoffs 2024 comme étant l'avènement de Jalen Brunson, mais quasiment un adjoint de Josh Hart, quoi. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. On l'avait accueilli en courant de saison et on remercie les portants de Trailblazer pour le trade effectué contre ton ami Cam Reddish. Mais clairement, il y avait eu un avant, un après Josh Hart la saison dernière. Là, il y a eu un Josh Hart dans la continuité, même s'il y a un petit retard à l'allumage. On va dire ça comme ça. Bon, il va être l'heure de sortir la tablette et sortir les notes. Moi, j'ai déjà préparé mes notes. Comment avons-nous évalué cette saison et ces playoffs de Josh Hart? Roulement de Je peux y tambour, arriver. c'est la face avec le petit quadrillage. Et hop là, voilà les notes. Alors, hop, on va le faire comme ci, comme ça. Eh bien, moi, en saison régulière, je suis sur un B. Toi, tu es sur un A-. Bon, c'est proche. Et en playoff, je suis sur un A. Et toi, tu es sur un A+. Des petites nuances dans notre appréciation. Pour qui, pourquoi ces nuances? Bah voilà, moi pour moi ce B, c'est pas non plus une note sanction. Clairement, on a un bon Josh Hart. On a un Josh Hart en deux temps, donc d'où ce B. Et Ouais, puis bah on a quand du même coup une on est pas sur utilisation. B+. Ouais, on aurait pu mettre un B+. Je te trouve dur sur le B sec. Au début, je pensais à un Ouais. B+ parce que en effet, il met du temps à l'allumage et en fait au fur et à mesure et puis il finit avec ce mois de mars avril en trombe avec notamment ses triples doubles qui ne passent pas inaperçus. C'est pour ça que au départ j'étais sur un B+, j'ai basculé sur un A-. Parce que je me suis dit, voilà, le début de saison, oui, un peu compliqué. Et puis après, en fait, il fait partie de ces Knicks qui se sont battus ensemble face à l'adversité des blessures pour continuer à gagner des matchs. Et il s'est pas économisé. Donc c'est pour ça que je suis resté dans les A moins. Ça aurait pu être un Je B+. suis peut-être un poil sévère vis-à-vis de Josh Hart, et c'est rien contre lui, clairement. Après, tu me disais un autre que c'est Après. un mec que tu pouvais pas blairer de toute façon. Donc ça m'étonne pas. Non, clairement pas. Je pense que mon prochain achat de jersey sera le numéro 3 de Josh Hart, parce que j'ai beaucoup de numéro 11 de Jalen Brunson, et il faut un peu que je change. Bref. Mais non, non, non, clairement, Zéro. c'est. Ou le zéro, effectivement. Mais c'est pas commun les zéros. Pourquoi cette note peut être un peu sévère, hein, encore. Mais c'est une utilisation un petit peu à contre-courant de Josh Hart, malheureusement. C'est aussi le destin et le cours de cette saison qui a fait que on a été le chercher et qu'il a produit, il a répondu présent. S'il avait eu une utilisation en sortie de banc, finalement, c'est là qu'on l'attendait, c'est là dont on avait le plus besoin de lui. Et la force de Josh Hart, c'est d'avoir su répondre présent, mais d'avoir aussi peut-être à un moment déshabillé notre banc par la force des choses. On a été contraint. Il y a des fois où on s'est dit, mon Dieu, mais qui apporte des points en sortie de banc? Personne. Bon, bah, on est obligé de remettre les titulaires. Et voilà, j'aurais aimé avoir ce bon Josh Hart aussi en sortie de banc. Il aurait eu moins de productivité statistique, mais il aurait été tout aussi important. Je pense que les Knicks ne s'en seraient pas plus mal tirés. Mais voilà, non, Josh Hart, c'est une magnifique saison qu'il nous fait. La question sera la saison prochaine. Est-ce qu'il va retourner sur le banc avec un rôle diminué, avec moins de temps de jeu? On l'espère pour lui. Ça voudra dire que les Knicks Il auront y une a meilleure ça à profondeur. voir aussi, hein. Parce que normalement, quelque part, le 5 majeur, on le connaît déjà. Si tout reste comme ça doit rester, hormis 2-3 changements près, mais entre la place du pivot, à voir comment ça va évoluer, mais on aura le temps d'en discuter pour plus tard. Mais normalement, ça va Il a être vocation à retourner sur le banc. Julius revient et reprend sa place, et OG Anunoby aussi. Je vois pas pourquoi est-ce que Dante DiVincenzo devrait céder sa place à Josh Hart alors qu'il a été excellent. Et je parle pas C'est pas le même de Jalen registre en Brunson. plus. C'est pas le Donc même registre de joueurs et c'est pas le d'utilisation, même quoi. registre. Donc en fait, tu vas te retrouver avec un Josh Hart pour moi qui doit retrouver sa place de sixième homme. Rétrogradé entre guillemets, quoi. Ouais. Sixième homme. Et puis pourquoi Et pas viser le rien titre de n'exclut sixième homme de l'année? qu'il ne termine pas les matchs. Rien n'exclut que tu ne finisses pas par exemple avec un 5, avec. Je dis je dis ça comme ça, mais avec un 5, avec peut-être un Julius en pivot, avec un OG en 4, et puis remettre un Josh Hart en 3. Tu vois, et qui, ou alors quand même un Josh Hart qui prend la place de Dante. Donc voilà, un sixième homme, je pense que c'est là sa place véritable. On a vu aussi certaines limites de son jeu. Mais après, derrière, Josh Hart, c'est sûr que tu l'as en dynamique. Des limites qu'on va pas critiquer. Ah non. Non, non, il n'y a aucune critique. Sur... Bon, attention, j'ai toujours dit. Hein. Cette saison, il n'y a aucune critique sur aucun Knicks. Hein. Aucune critique sur aucun Knicks. Ils ont été fantastiques. Exemplaire, même Evan. Même Evan. Même Evan. Bon, voilà. En tout cas, c'était pour nos notes pour Josh. Il nous reste un troisième larron du trio. Est-ce que tu veux que je te fasse une transition? Vas-y. Et ben, la personne, sache que une personne, Trevor Kills, a porté deux numéros Onyx. Il a porté le 3 et il a porté le 0. Et le 0-2. Maintenant, Dante DiVincenzo, bien sûr. Alors, j'espère que tu m'entends toujours. Oui. Cool, putain. Alors attends, je prépare mes petites bricoles. De toute façon, je ferai un petit peu de hop hop hop. Trevor Kills, quoi, qui a porté les deux numéros et après il s'est fait lourder. Voilà. Et oui, Trevor Kills qui a partagé le numéro de Josh et de Dante. C'est marrant d'avoir cette cohabitation. En fait, il avait le numéro 3. Josh Hart arrive, il dit bon, tu me laisses. Ok, bon, je prends le 0. Et à l'intersaison, il y a Dante qui arrive, qui fait en fait le 0, il est à moi. Oh, bon ben, je me casse alors. Pauvre Trevor Kills, on sait même pas ce qu'il devient. En tout cas, eh ben, Dante, lui, il s'est fait une belle petite place à New York. Il a retrouvé les copains des Nova Boys avec qui il avait été champion en NCAA. Je sais plus s'il a gagné les deux titres de champion. Des finales de la MOP. Deuxième finale. Ouais, mais est-ce qu'il a deux titres ou un titre? Bon, peu importe. En tout cas, il avait noué de bons contacts. Il était coéquipier de chambre, roommate pour le coup, avec Jalen Brunson. Et bah voilà, il n'a pas trop tergiversé lorsqu'il a fallu choisir une destination parce qu'il venait de Golden State. Là-bas, il a peut-être pris quelques cours auprès des Splash Bros. Et on peut dire qu'on avait besoin de lui. On l'a signé en ayant un besoin d'apporter du 3 points. Le garçon, il nous a apporté du 3 points. Il ne s'est pas privé pour en prendre des tonnes. Il en a mis des tonnes. D'ailleurs, au passage, record sur une saison de notre ami Evan Fournier qui a été battu par Dante DiVincenzo. Ça, ça a été un petit fil rouge sur la fin de saison. Ça s'est très bien passé. Il a battu également le record sur une rencontre, hein, que ce soit sur un nombre de matchs. Il en est quoi? Il a 10, je crois, sur un match, 10 3 points réussis. Le record qui était précédemment détenu à 9 par Evan, par J.R. Smith aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et notre ami Dante, il s'est fait un dernier plaisir en play-off. On parle des play-offs, mais on va finir sur sa saison régulière. Avec ce 39 points dans le match 7 et 9 paniers à 3 combien points. Combien pris, tu dis? Voilà. Il y a contre le 25 d'inscrit, mars, de marquer. Contre Détroit, il l'impr... Ah oui. Parce que le 25 mars, il en marque Détroit, 10. Il en prend 20 et il en marque 11. C'est 11, 11. Oui, c'est 11. Et en fait, il y a un 12e qui a été décompté. Bon. Mais bon. En tout cas, le sniper en chef des Knickerbocker all time, c'est maintenant Dante DiVincenzo. Une première saison et un record 3 points. Oui. Donc, on nous avait dit. Où Evan, il défendait sa vie, justement. Il défendait sa vie sur Dante ou pas qu'il ait le record. Ah, il avait un record. Il avait un record à préserver. Hein. On ne l'avait jamais vu défendre autant. Je pense que Tom Thibodeau était prêt à le re-signer sur le coup, à le faire rentrer, mais non. Bref, blague à part. On avait beaucoup parlé d'Evan Fournier en disant « C'est pas normal, un joueur qui a été benché alors que il a battu un record, c'est pas rien. » Bah ouais, mais en fait, le record arrivé de Dante DiVincenzo, une année, et le record, il tombe. Ça veut pas dire que Dante est meilleur qu'Evan, c'est des joueurs à des profils complètement différents. Mais voilà, des records sont faits pour être battus. La NBA moderne abuse du 3 points. Tom Thibodeau, visiblement, lui, il a pas de problème avec le 3 points. S'il a des joueurs ouverts qui ont besoin d'avoir des shoots, et ben il sait les utiliser. Et Dante DiVincenzo a pris une place aussi. C'est pas la place que de Evan Fournier, c'est aussi la place de Quentin Grimes. Quentin Grimes, en début de lui-même saison, avait pris la place d'Evan. En début de saison, il avait dit non, mais moi, s'il faut que je sorte du banc, je sortirai du banc. Dante n'arrivait pas avec une prétention d'avoir un temps de jeu, des minutes ou quoi que ce soit. Il comptait s'adapter à l'équipe et ça a été rapidement à son tour de venir faire la paire avec Jalen Brunson. Alors, on avait peur, on pensait perdre en défense. Clairement, on n'est pas sur le plus gros défenseur non plus, mais on est sur un joueur qui est capable de se projeter, de couper les lignes de passe. Nombre de fois, on l'a vu intercepter et finir au dunk. Non, un joueur qui s'est montré présent des deux côtés du terrain. Même si la défense n'est pas élite, elle est quand même bien là, sur les lignes arrière. Et ben voilà, le côté offensif, on l'a vu à 3 points, certes, mais il était aussi en capacité de couper ligne de fond, de couper dans l'axe pour aller conclure au dunk. Clairement, un joueur qui s'est un peu révélé. Moi, je n'avais pas trop suivi Dante DiVincenzo, hein, je ne vais pas faire le malin. Certes, il avait joué à Milwaukee, certes, il avait joué à Golden State, et en l'absence sur certains matchs de Stephen Curry, il avait plutôt performé. Mais voilà, c'est une différence entre performer sur quelques matchs et avoir une certaine régularité. Et on l'a trouvé justement régulier. Régulier quand il fallait. Alors oui, lui aussi a bénéficié des tickets shoot laissés vacants par Julius Randle. Et lorsqu'il a fallu trouver quelqu'un d'autre qui élève son jeu au scoring en compagnie de Jalen Brunson, bah Dante DiVincenzo, il a tout de suite répondu présent à l'appel. On l'a vu finir des certains soirs à 20 points, à 30 points. Il fait pas un match en régulière à 40, il me semble. Ah bah, je peux te clairement dire, il fait un match entre 40 et 49 points, 10 matchs entre 30 et 39, et 17 entre 20 et 29. Clairement, on n'aurait pas dit... 17 entre 10 et 19, et 20 entre 0 et 9. On n'attendait pas ça forcément de ce poste 2, de ce poste de second arrière. Quentin Grimes, normalement, avait vocation à résister à cette pression, à cette arrivée. Mine de rien, c'est Dante DiVincenzo, avec sa petite expérience aussi et sa bonne connexion avec le reste des Nova Boys, qui a piqué sa place. Mais voilà, on n'attendait pas à ce que le second arrière nous fasse des soirs comme ça au scoring. Clairement, l'adresse à 3 points a beaucoup aidé, quoi. Début 2024, il nous fait janvier, février, mars 2024 d'excellente facture à 18 points et demi par match. Donc pour 33 minutes de temps de jeu, avec donc 38% à 3 points, hein, donc on frôle les 40%, ce qui est énorme, avec 4 rebonds, 3 passes et une balle et demie volée par match. Il nous fait trois mois là de folie en mars avril. Gros standing. Ça a été compliqué. On me l'avait un peu reproché il y a quelques temps de ça, en disant ouais, je te rappelle ce que tu avais dit sur machin, sur Dante. Et j'avais dit oui, j'avais dit ça et je regrette. Et je ne retiens rien ce que j'avais dit au début de saison où je disais finalement qu'est-ce que Dante DiVincenzo apporte de plus que ce que ne fait que ce que fait Evan. Le début de saison, je rappelle que avant qu'il ne soit titulaire. D'accord, donc il y a 11 matchs avant qu'il ne soit titulaire. Il fait ses premiers matchs, il amène 7 points à 30, 31%, 32% à 3 points pour 20 minutes de temps de jeu. Donc il sort, il sort du banc, il a 20 minutes, il amène 7 points, il amène 3 rebonds, une passe, voilà. Et derrière, donc finalement, il garde ce nombre de minutes. Donc à partir donc du 12e match. À partir du 12e match, et si on regarde jusqu'au 32, donc on va mettre 20 matchs de plus. Donc il joue pareil, 22 minutes. Mais là par contre, il est à 50% à 3 points. Là par contre, il amène 3 rebonds, 2 passes, un vol de ballon, et il tourne à 12 points par match. Et là on commence à voir l'impact qu'a Dante dans le jeu. Et comment est-ce qu'il évolue? Donc oui, le début de saison compliqué pour lui. Il arrive dans une nouvelle équipe, pas facile, il sort du banc. Ce qui était son rôle, même ailleurs. Donc c'était quelqu'un que vous connaissez. Thibodeau lui fait confiance, lui dit, attention, il faut changer quelque chose. Grimes sort, il fait rentrer Dante. Et là, boum, ça clique avec Jalen Brunson. Ça clique parce que ben, Dante lui joue plus au large. Ou là où JB a plus tendance à rentrer. Et puis, je pense aussi qu'il y a eu le facteur un peu surprise de se dire, bon, on peut peut-être un peu laisser Dante ouvert. Fausse manœuvre. Et ça, c'est tout le monde s'en aperçu. Et puis derrière, les beaucoup défenses ont payé. Ouais. Un peu plus resserré. Et puis, voilà. Et puis, Dante a lancé sa saison. Et après, derrière, comme tu as vu, les 3 mois, enfin le début de janvier, janvier, février, mars, exceptionnel. On est quand même sur un joueur qui, jusqu'à présent, sa meilleure saison en scoring était à Sacramento, la deuxième partie de saison à C'est vrai. Sacramento, à 10 points de moyenne. Et là, en fait, cette année, il est à 15 points de moyenne. Ouais, 15 points de moyenne 15,5. à 40% à 3 points. C'est énorme. Clairement. Et sur 81 matchs, il a fait quasiment une saison complète pour un temps de jeu moyen de 29 minutes. Donc, Et pas clairement un cité très au bon rendement. MIP, même pas quelques votes au MIP, dommage, Non, alors bizarre. après, il n'était peut-être pas le favori pour le remporter. Il n'a pas été cité parce qu'il y avait une sombre Pouvait histoire de il n'a pas être joué assez de matchs, il n'a pas joué assez de minutes. C'est un comble. C'est un comble quand on parle de Tom Thibodeau, où on parle son Je ne temps. parle pas de sixième homme, hein. Ah oui, non, même de sixième homme, de toute façon, c'était râpé, puisqu'il a joué que 11 matchs en tant Ouais, mais que pour le remplaçant. MIP, il lui manquait des minutes. C'est ça. Il lui manquait Ah des oui, il lui minutes. manquait. Oui, tu as raison. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Bon, tu as raison. de toute façon, il n'aurait pas été forcément le vainqueur final de ses votes, mais voilà, il Non. y avait quand même matière à discuter en termes de progression. Et surtout, voilà, un joueur qui a été dans les meilleurs tireurs à 3 points de l'ensemble de la ligue. Des Knicks, oui, forcément, mais de l'ensemble de la ligue. Donc c'est dire aussi la régularité, le volume de tir qu'il a pris. Et c'était une arme de l'arme longue distance qui a été utilisée à maintes reprises. Et nombre de fois où on a eu des petits coups de chaud avec 2-3 paniers à 3 points consécutifs qui ont relancé les Knicks ou qui ont donné un run qui a été utile pour pouvoir aller arracher une victoire. Une Donc chaise bloc, clairement. comme ça, comme des fois il Oui, arrive à aussi. faire. Aussi, un Mais joueur des fois, qui. En fait, c'est la marque il de monte fabrique trop. de ces Nova Boys. Ils ne se ménagent pas dans leurs efforts. Et que ce soit en termes de temps de jeu, ils ont des temps de jeu conséquents, certes, mais en termes d'efforts, on n'a pas l'impression qu'il y a de la fatigue chez eux. Il y en a. On a vu par moments, on s'est dit, bon, là, quand même, à force de faire des allers-retours, à force de faire des efforts défensifs, il y a quand même une difficulté. Mais voilà, on a 3 Nova Et Boys jusqu'au bout, hein. Regarde le match qui 7 partagent le même des ADN. playoffs. On va en parler après. Mais même jusqu'au Ouais. bout, hein, au match 7 des playoffs, il nous sort 39 points. Le mec, il lâchera jamais rien C'était jusqu'au bout. le seul, le dernier à rester, on va dire. Mais justement, faisons la transition. Une saison régulière où il a trouvé sa place, il a réussi à trouver sa place, il a modifié la hiérarchie, il a fait du changement dans les rotations avec l'aval de Tom Thibodeau. Mais voilà, il s'est adapté, il a trouvé son rôle, il a lancé des 3 points en veux-tu, en voilà. En playoff, on l'attendait. Est-ce qu'il allait être en capacité de pouvoir produire ce même niveau de jeu? Moi, j'en avais fait mon facteur Eh bien X oui. sur la première série face aux Sixers, parce que voilà, j'avais une interrogation. C'est un joueur qui, à la base aussi, comme Josh Hart, est un joueur plutôt en sortie de banc, c'est un joueur qui a jamais eu de rôle majeur dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Et là, il se retrouvait, par la force des choses, à être mis sur le devant de la scène à côté de Brunson. Est-ce qu'on allait pouvoir compter sur ses coups de chaud à 3 points? Est-ce qu'on allait pouvoir compter sur son haut volume de scoring? Ça a été un peu compliqué face à Philadelphie. Un peu retrouvé, et entre autres sur quelques matchs face aux Pacers, même si c'est malheureusement des matchs dans des défaites. Au final, on a quand même un Dante DiVincenzo qui termine deuxième meilleur scoreur des Knicks en playoff derrière Brunson avec 17,8 points, un temps de jeu qui est 35,8 minutes, 36 minutes. Il n'y a rien d'affolant là-dedans. Hein. On parle de play-off, hein, on parle de rotation raccourcie, on parle d'un temps de jeu de 48 minutes. Bon, bah voilà, il y passe quasiment 10-12 minutes sur le banc. 4 rebonds et 2,6 passes. Là où on était à 3,7 rebonds et 2,7 passes en saison régulière. Donc on est sur le même apport sur les autres secteurs statistiques majeurs. Donc un Dante DiVincenzo, si il a été pas avec la plus grande efficacité qu'on ait pu connaître en playoff, s'est tout de même montré productif, s'est tout de même montré un atout offensif dans l'attaque des Knicks. Ben, il s'est éclaté contre Indiana parce qu'Indiana lui a donné un peu plus de shoot. De liberté, ouais. Plus compliqué contre Philadelphie. Philadelphie, ses stats, là où tu disais, pour te montrer à quel point il l'a Il y a eu deux scoré, hein, séries. Ouais. c'est que contre Philadelphie, il est à 12 points de moyenne. Il est à 12 points de moyenne, bon, toujours à 36% à 3 points, hein, mais en 32 minutes, il est à 12 points de moyenne. Là où contre Indiana, eh ben, il va clairement lever son niveau de jeu. Où là contre Indiana, eh ben, il va être à 22 points, quasiment 23 points de moyenne contre Indiana, quoi. Il y a 7 matchs, avec, il y en a un peu plus pareil, en plus, mais... Avec, ouais. avec 46% à 3 points. Ouais. Et ce qui fait un total sur ces playoffs de 42,5% à 3 points, c'est un meilleur pourcentage qu'en playoff, qu'en saison régulière. Mais voilà, il y a deux séries et voilà, une perception différente. Mais il faut voir aussi que de notre côté, il y avait quand même il a amené une très belle défense sur Maxi. C'est vrai. Il a été repositionné après un peu sur Maxi et notamment à partir du match 5 et du match 6. Et des efforts qui coûtent. Ouais, une belle défense sur Maxi. Évidemment, on se rappelle, comme je l'ai notifié tout à l'heure, 103 points de la victoire au buzzer au match 2. Des cartons, il nous a sorti deux fois, donc une fois 35 points et une fois 39 points face à Indiana. Malheureusement, en deux défaites, mais oui, il a réussi. Malheureusement, en deux défaites, mais voilà, c'est clairement quelqu'un qui, comme tu dis, n'a pas ménagé ses efforts, a tout donné. Il a répondu présent quand on a fait appel à lui. Il a trouvé ce rôle que Thibodeau lui a donné, donc comme quoi il ne fait pas que des mauvaises choses, cet entraîneur. Il est arrivé donc à en faire un starter NBA d'une équipe qui finit top 2 de l'Est et qui, malgré un déficit de joueurs, est quelqu'un de majeur et qui arrive à trouver des réponses. Parce que même s'il ne score pas, il étire les défenses par sa capacité. Il ne faut pas lui donner 36 chances à 3 points. Le spacing, on en parlait, il nous en fallait, on l'a eu. Et je pense qu'aussi c'est pour ça que John Brunson nous fait de bons playoffs, c'est parce que entre lui et OG, forcément ça étire les défenses, ça écarte les lignes et ça permet de libérer quelques espaces. Notre meneur. Donc voilà. Donc non, très bon. Il fait une saison, il fait sa meilleure saison en carrière. On n'a rien de plus à dire le concernant. Quoi. Avec un bon petit contrat. Après la question qui pourra se poser et on un verra bon petit en contrat. Fonction. Ça t'as raison ça. En fonction de l'été et des recrutements que pourront faire les New York Knicks, est-ce qu'il va garder une place de titulaire ou est-ce que c'est un joueur qui, à la base, était un joueur plutôt de rotation de banc? Est-ce qu'il va retrouver ce genre de place? Ça voudrait dire que New York enregistre l'arrivée d'un poste 2 plus valuable. À voir ce que l'été dire, de Léon Rose va faire. Il va être l'heure de révéler les notes qui se cachent derrière cette petite tablette, de ce petit Velleda, de cette petite ardoise. Peut-être qu'on va me retrouver sévère, je ne sais pas. En tout cas, je le dis, peut-être que le zéro de Dante DiVincenzo finira dans mon dressing, je ne sais pas. Allez, c'est l'heure de révéler tout ça. En saison régulière, on approche un peu tout ça. Moi, je suis plutôt sur un... Hop, j'essaie de cadrer, voilà. Un A en saison régulière et un A- en play-off. Là où, Seb, tu es plutôt à l'inverse, à savoir un A- en saison régulière et un A en play-off. Donc on a deux perceptions différentes. J'en avais fait mon facteur X. J'ai été un peu déçu, mais il faut le dire très, avec beaucoup de guillemets. Hein. Déçu, c'est un grand terme, puisque quand les Knicks se sont qualifiés... Déjà, tu lui en voulais à la base qu'il avait pris le numéro de Cam Reddish. Ça me dit, ouais, il prend le numéro de la légende Cam Reddish. Moi, ça me plaît pas c'est pour qu'il arrive. C'est qui ce... C'est qui cet Italien? Pas du tout. Non, j'attendais pas, je ne savais pas. En fait, c'est vrai que j'étais un peu dubitatif sur l'arrivée de Dante DiVincenzo au Knicks, parce que ça faisait un peu le coup, bon, on ramène un copain. Mais bon, les copains, est-ce que ça fait gagner des matchs? On a vu que oui. Ce trio de Villanova qui fait l'office de notre première review de la saison, ça a été le trio majeur des Knicks, même si on peut pas parler de Big Three quand on parle de ces trois-là. Par contre, clairement, on a une colonne vertébrale de l'équipe qui est très amigos. Très forte avec les très tres amigos. Ah, les tres amigos, ouais. On verra, not one, not two, not three. Bah oui, il n'y a pas eu de titre au bout. Mais clairement, non, une très belle saison de Dante DiVincenzo, une belle surprise, une belle confirmation pour ceux qui l'avaient déjà suivi auparavant. Après, la suite, qu'est-ce qu'elle va donner pour Dante DiVincenzo? Ça va être compliqué de confirmer. Est-ce qu'il peut faire mieux? Est-ce qu'il peut faire plus? Est-ce qu'il va garder ce rôle? Est-ce qu'il va faire autant? Mieux, c'est incroyable. Déjà qu'il fasse aussi bien, je n'attendrai pas que l'année prochaine il tourne à 15 points de moyenne. Rien que déjà s'il tourne à 12, entre 12 et 14, ça sera génial. Avec un joli 40% à 3 points, ça sera super. Déjà l'année prochaine il refait ça. Alors s'il refait une saison à 15 points de moyenne, alors je dis jackpot. Non, mais il a été, voilà, il a été, je pense, le facteur de beaucoup de choses, dont Teddy Vincenzo. Comme tu as dit, je pense que la réunification avec Josh Hart et Jalen Brunson, évidemment, on a bien compris que sa venue n'était pas anodine. Il était free agent, il avait fait sortir une saison relativement bonne hein, à Golden State. Il arrive donc à New York, voilà, clairement, lui aussi ADN Orange and Blue, quoi. On sent que ben, c'est un travailleur et que c'est pas un blinger, si je peux dire comme ça. Et puis, il est pour beaucoup de choses, je pense, dans le trade de Emmanuel Quickly. Je Ouais. pense que c'est Il y a... peut-être sa venue qui le pousse dehors. Et c'est ses performances qui poussent dehors également Quentin Grimes. Je pense que, mine de rien, il a eu un impact au sein de l'effectif des Knicks plus important que ce qu'on peut penser. Il y avait cet Entre sa relation embouteillage sur privilégiée avec ton cet franchise embout player, ouais. plus le jeu que tu mets en place. Ouais. Il y avait cet embouteillage sur les lignes arrière et finalement c'est lui qui en ressort un des grands gagnants. Une fois Avec RG, une McBride. fois IQ, une fois Deuce, Quentin Grimes, Evan aussi. Finalement c'est lui qui en ressort le grand gagnant Bon, de Evan ce était ménage et déjà de ce blacklisté, mais rééquilibrage. c'est vrai qu'avec IQ, avec Grimes, il y avait Dante. On avait dit, ça fait beaucoup de monde quand même déjà sur les lignes arrière. Il fallait faire le ménage. Le ménage a été fait. Léon Rose a tout de suite tranché dans le vif. On l'a très vite compris déjà quand Quickly a pas signé. Et donc, quelque part, on se doutait que il allait partir et que de toute façon, ça allait être Dante qui allait rester. Surtout que le contrat, c'est un contrat, je crois, de 4 ans, 3 ans, 4 ans, à 11 millions de dollars la saison. Il faudrait Ouais, confirmer, je vais te confirmer ça. on Podprak reverra ça, mais... est mon meilleur ami. Podprak et Dante, si Dante DiVincenzo, je vais te dire ça immédiatement. Dante, il n'a pas 400. Oh, comment ça? Ah, il y a plusieurs Di Vincenzo. Ça alors. Mais effectivement, on a une belle signature pour pas si cher que ça. Et on se rappelle Ok. aussi, à l'intersaison, que Josh Là, Hart c'est avait fait 4 un ans. petit peu de traînée, sa C'est signature, 4 pour ans. justement permettre l'arrivée de En Dante. non Donc 4 dégressif, saisons. c'est 4 ans qui augmentent. Ça peut pas être dégressif tout le temps non plus sur tous les contrats. Voilà, donc c'est Pas 4 ans à 46 millions de dollars la saison. Enfin, la saison, les 4 ans. l'ensemble du Donc 11 contrat. millions de Ouais. dollars en moyenne. Voilà, 11 millions de dollars et demi. Pour un Donc, joueur très belle signature. Si c'est quelqu'un qui starter. garde ce niveau-là, très belle signature. Je n'ai rien à dire. Très belle signature. Voilà, c'était tout pour nous, cette review des trois premiers joueurs des Knicks. Clairement, il y en aura d'autres vont passer à l'exercice de Panier la tablette FM, et on verra si les jugement. notes sont aussi glorieuses pour tout le monde. En tout cas, Jugement on va dernier. s'en arrêter là sur cette premier épisode estival à The Knicks Summer. Et oui, il est encore temps pour nous pour vous souhaiter une bonne semaine. Alors, let's go Knicks, oui, let's go Knicks toujours, même si c'est un peu plus calme sur les parquets. En tout cas, on espère vous retrouver très vite sur Cancun. KNFTV. On espère vous retrouver à Cancun. Voilà, si vous prenez des vacances à Cancun, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Bien sûr, avec les N'hésitez pas à revenus vous qui ne sont inviter. pas monétisés sur Prenez cette, des vacances à Cancun. sur N'hésitez cette pas. vidéo, on peut partir à Cancun. Ouais. N'hésitez pas à nous inviter à faire une donation, je te jure. En tout cas, on vous donne rendez-vous, même endroit, même heure, sur KNFTV, lundi prochain pour la suite de ces reviews. Il y aura peut-être des annonces aussi. Ah oui, on aura peut-être des annonces à vous faire. Peut-être que l'association prépare un petit truc. Voilà, donc restez à l'affût. D'ici là, portez-vous très bien. Seb, range-moi cette ardoise. N'oublie pas de fermer le petit capuchon pour que le Velleda soit prêt à écrire la semaine prochaine des A, des B, des C, des D, que vous voulez. Bref, des plus, des moins, des plus, des moins, moins. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nos notes. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec nos notes et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nos Dis, notes. en Peut-être que commentaire, vous avez carrément, ouais. envie en mettre des notes plus fortes ou moins fortes. Bref, dites-nous tout ça. Carrément, mais dites en commentaire vous, votre ressenti sur chaque bonhomme avec voilà, avec des notes de A jusqu'à Z, hein, si pour vous Mais ouais, si, ça serait intéressant de pouvoir voir ce que vous avez pensé, vous. Est-ce qu'on a tapé à côté? Est-ce que pour vous, on tape à côté? Ou est-ce que j'ai été trop généreux? Est-ce que Joanie a été trop sévère? Est-ce qu'il a sorti la règle en fer et qu'il a tapé sur les doigts? Ou est-ce que c'est moi qui ai distribué trop de câlins? J'ai déjà sorti un B. J'ai déjà sorti un B sur cette Toi, t'as mis partie. un B sec! Wow. Bam! Sec. Il a Pas froid, de elle problème. sait plus! Bref, on n'a pas des A1, des 1A dans toute l'équipe. Mais bref, vous avez nos argumentaires. On n'est qu'au début de ces reviews. La suite lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Profitez du printemps, de l'été. On n'est pas encore officiellement dans l'été. Mais profitez en tout cas de cette fin de playoff, des finales, des sweeps, tout ça. Et puis, on vous donne rendez-vous très vite sur KNFTV. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Et à très vite sur KNFTV. Ciao, ciao, pas d'un Ciao, dessous, à plus. ciao. Allez, bonne semaine, ciao.